Non, le bateau s'est redressé. Oh, cette fois, ça y est. Oh, les voiles touchent l'eau. Ils sont perdus. Non, non, madame, ils se redressent une fois de plus. Ils vont droit sur les récifs du Ramor. Ils vont virer de bord. Ils n'ont plus le temps. Si, si, madame, voilà qui est fait. Oh, oh, c'était juste. Ils ont dû passer à 4 mètres à peine. Mais je conseille à madame de se rassurer. Ils se dirigent vers le port maintenant. Enfin, lui. Oui, madame. Ce monsieur, Éric Tabarly. C'est un bon marin? Probablement le meilleur du monde. Ils ont failli couler 10 fois depuis 1 heure. Ah, il y a certainement eu des imprudences commises. C'est miracle qu'il n'ait pas démonté, viré sous le vent par force 6. Oui, à l'échelle de Beaufort. Comment expliquez-vous que M. Tabarly ait pris un risque pareil? Oh, madame, je ne me charge pas d'explications. Louis, vous êtes le meilleur des serviteurs. Vous pouvez vous exprimer librement. Je suis sûre que nous pensons la même chose. Mon mari a pris la barre des mains de M. Tabarly. C'est possible. Il a voulu lui montrer comment on faisait. C'est à craindre, madame. C'est tout lui. Mais monsieur a une énorme personnalité, madame. Ah, ça? Au bout d'une heure, avec Minouine, il trouverait le moyen de lui apprendre le violon. Ah, bonjour, Louis. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle Sûre. Vous paraissez perturbée. Non, juste un peu secouée, madame. Le chauffeur est venu me prendre à la gare. Avec la Maserati, il a poussé une pointe à 300. La Rolls est en panne? Oui, madame. Nous attendons le mécanicien qui vient d'Angleterre par avion-taxi. Et pourquoi le chauffeur ne prend-il pas la Cadillac quand il va chercher du monde à la gare? Je prie ces dames d'excuser Gilbert. La Maserati ne sort jamais. Il aura voulu lui faire prendre l'air. Oh, à ce propos, voulez-vous fermer la fenêtre, Louis? Oui, madame. On a beau être au mois de juin avec ce vent. Je vais vous servir le thé, madame. Volontiers, Louis. Mademoiselle Sue. Oui. Au départ, cette idée de vouloir remporter la Coupe America, c'est très bien. Oh, c'est très noble. C'est très dur. Oui. Ce voilier doit coûter à peu près autant qu'un porte-avions. Pas loin. Tout réussit à M. Metz. L'argent lui a réussi, mais depuis quelque temps, il veut le reste. Ah, c'est humain. La rosette. Ah oui, là, nous aurons du mal. J'en ai peur. Le ruban, ça n'a pas été facile. Enfin, il est arrivé. La rosette, il ne veut même pas attendre les 10 ans réglementaires. Tout ce que je demande, c'est qu'il n'essaie pas d'acheter la Légion d'honneur. La rosette? Non, l'immeuble. Hein? Oh, mon Dieu, oh! Le thé, madame. Merci, Louis. Un peu de thé, mademoiselle Sud. Non, je vous remercie beaucoup, madame, mais monsieur Bex ne va pas tarder à arriver le week-end. Risque d'être laborieux. Je m'installe, si vous le permettez. Tout est prêt pour mademoiselle Sud, Louis. Ah, bien sûr, madame. L'appartement Anne de Bretagne attend mademoiselle comme d'habitude. Merci, Louis. Mademoiselle va trouver la température de son appartement à 18 degrés. Hygrométrie à 34% d'humidité. Merci, Louis, mais vous savez, c'était... Ah, monsieur, tiens, à ce qu'on utilise l'air conditionné, mademoiselle. Ah. Alors. Vous trouvez mon mari en bonne santé en ce moment, Louis? Oh, excellente, madame. Moi aussi. Cependant, il entreprend tant de choses. On vous a prévenu que le général de Grillembert ne venait pas dîner ce soir? Oui, madame. Nous avons du mal à trouver des invités convenables. Oh, madame, nous avons eu des artistes. Un champion cycliste. Jamais un membre du gouvernement, jamais personne d'officiel. Ils viendront, madame. Nous progressons. Grâce à vous, Louis. Oh, merci, madame. Il y a longtemps que je suis tentée de vous dire une bêtise, Louis. Ah, mais madame ne devrait pas s'en priver davantage. Au fond, nous avons le même destin, vous et moi. J'ai été arrachée d'une famille de magistrats par un Lucien Bec de 20 ans qui voulait tout croquer. Vous avez été arraché du service d'une famille ducale par un Lucien Bex de 40 ans qui voulait toujours tout croquer. Oh, je suis très honoré du rapprochement, madame. Puis-je me permettre à mon tour de vous faire observer que monsieur a toujours voulu ce qui se fait de mieux? Merci. Ça m'aidera d'y penser. J'en aurai parfois besoin. Nous avons de durs moments, vous et moi. Il y en a de plus malheureux que nous. Entrez, Tabarly, entrez, mon vieux, entrez! Et du thé pour des marins, du rhum, oui, du ratafia, du tormatlo, mille savants. Et d'abord, enlevez-moi ça. Vous comprenez, Tabarly, pourquoi a-t-on tant de mal à gagner la Coupe América? C'est parce que tout le monde veut naviguer comme le voisin. Moi, Bex, je dis, il faut naviguer tout de travers pour décontenancer l'adversaire. Harry, vous... Alors, où est Tabarly? Papa, Monsieur Tabarly est parti. Où ça? Définitivement. Il a pris sa voiture et il est rentré chez lui. Avec mon chèque? Non, papa. Le voilà. Mais il fallait le retenir, il fallait te contrôler à lui, beaucoup de petits cons. Lucien, tu vas lui faire mal. Oh non, oh non. Tu seras le plus grand, tu seras le plus fort. Tu es mon fils. Ah, Tabarly déchire mon chèque. Il pouvait se payer 3 pendouits avec ça. Donc c'est un imbécile. Tant mieux, ça marche. Je n'ai pas besoin de lui. Je viens de le prouver. Eh, hein? Hey, dites-donc les copains. M'avez vu manœuvrer? Oui, Lucien, bien dangereusement. Je fais tout dangereusement. Tout. Les autres ont peur. Moi, pas. C'est pourquoi je suis ce que je suis. Sud. Oui, sud. Dans son appartement, monsieur. Ici, je la veux ici tout de suite. Bien, monsieur. Alors, mes enfants, qu'est-ce que nous avons à dîner ce soir? Un général? Nous n'avons plus. Il s'est décommandé ce matin. Je vais te le faire foutre à la retraite, celui-là, ça va pas tarder. Mademoiselle Sudre est en communication avec l'extérieur, monsieur. Elle est dégueulasse, votre homme, hein? Oh, monsieur, que la Jamaïque. Un Jamaïque coupable, elle est dégueulasse. Alors, allez, un peignoir, un coup de rasoir, au galop. Allez, déblayez, mes enfants, déblayez. Allez, petit, va voir maman, papa travaille. Agile, trouve-moi l'autre général pour ce soir. J'ai envie de généraux, moi, en ce moment. Je vais voir ce que je peux faire. Sudre! Oui! Alors, Sudre! J'arrive! On se les roule! On vient d'appeler du ministère des Affaires étrangères, monsieur. Ah, le ministre? Oh non, non, non, monsieur, non. Monsieur Simon Jaumier, directeur des Affaires africaines. Il m'a demandé s'il pouvait passer ici, vers 11h. Du matin? Oui. Dans un quart d'heure, sa cocotte. Ah ben oui, j'ai voulu vous le passer, mais ce monsieur m'a dit que sa mission auprès de vous était confidentielle et qu'il n'était pas question de vous entretenir par téléphone. Putain! Les Affaires étrangères! J'ai voulu vous consulter, mais ce monsieur m'a dit qu'il passerait de toute façon. Eh ben, qui passe? J'ai du monde à voir dans tous les ministères, sauf aux Affaires étrangères. Hermétique, ce Quai d'Orsay. Mon genre ne doit pas plaire. Et voilà qui rend une petite visite à domicile. C'est bon, Sammy, c'est bon, c'est bon. Allez, mon grand, tire dessus. Et donc, vous n'avez jamais dépiauté un lapin, vous, hein? Non, jamais, jamais. Il n'a pas la tête pour ça. Hé, Sudre. Sudre. Sudre. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas mon caleçon à fleurs? J'ai pas dit ça. Ah bon, hein? Attends, oh, monsieur... Bon, quel nom dites-vous là? Quel nom? Quel nom? Simon Jaumier. Jaumier, ça me dit quelque chose, ça, Jaumier, dites-donc. Oh, j'y suis! Oui, l'autre jour, au bar du Crayon, un vieux schnock en jaquette, avec rosette sur canapé. Il m'a fait renverser la moitié de mon martinet avec son coude sur mon veston. Oh, fin de race, mauvaise santé. Mais pour les manières, pardon, hein, il s'est excusé comme s'il m'avait crevé un œil, tout en parlant avec des pincettes. De rosette à ruban, quoi. Alors, un zozo est venu le présenter à notre zozo, son excellence Simon Jaumier, conseiller du gouvernement, comme il a dit ça, aux Affaires africaines. On va se marrer quand il me reconnaîtra. Vous ne vous êtes pas nommé? On m'a pas laissé le temps, le voyou. Tiens, regarde, viens déjeuner. Bien. Pour en savoir un bout sur la situation en Mauritanie. Je suis en flèche dans ce coin-là avec le rang-point portuaire. Oui. Ça, c'est vrai, il n'arrête pas de monter. Une valeur qui n'arrête pas de monter, connaît pas. Bon, vous faites venir l'office, c'est un couvert de plus. Bien, monsieur. Jaumier. Vous connaissez ce type-là, vous? On en parlait chez monsieur le duc de Brissac, une des lumières du Quai d'Orsay. Oui, eh bien, elle vient de rendre une visite, votre lumière, hein? T'attendiez pas à ça, hein? Oh non, en effet, monsieur. Quel vêtement dois-je préparer? Oui, oh, aucune raison de m'en dimancher, hein? Pantalon blanc, blazer avec les cuissons du Yacht Club. Ah, vous vérifierez si le ruban rouge y est. Le ruban sur un blazer, monsieur? Et alors? Mais ça ne se fait jamais. J'inaugure! Ah, ça ne se fait jamais, ça fera. Monsieur m'a bien dit qu'il désirait garder les pattes. Non, à mon âge, j'aurais l'air d'un miné. Ouais. Monsieur a raison, il en faut si peu. Dis donc, Louis, j'y pense. Ça vous ennuierait de s'y pousser les vôtres? Je ne sais pas, monsieur. Moi, ça me ferait plaisir. Pensez-y. Laissez-les pousser, je vous allonge 1000 balles. Par côtelette. Je vais y penser. Voilà, faites votre travail en silence et laissez Sudre faire le sien. Alors, Sudre, on travaille, on donne, oui, hein, alors, oui. Bon, les amis de Paul Mourion vous demandent une cotisation pour son épée d'académicien. Et donc, j'ai de quoi la lui payer tout seul, non? Bah, ce n'est pas l'usage, monsieur. 2000 balles! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup trop! Faut ça pour qu'on le remarque. Ah! Ah, bon. Bon. Un article dans Le Monde sur le bimétallisme. Oh, l'auteur vous appelle un cosmonaute de la finance. Oh, c'est joli, ça, un cosmonaute. Signature. Midas. Ça veut dire quoi, ça, Midas? Bon, allez. Demandez son adresse au Monde, envoyez une caisse de Montmorosé 67 et un coffret de Havane, avec carte. Ensuite. Ah, Jour de France, prépare un numéro sur les belles demeures, ils demandent s'ils peuvent envoyer des photographes à votre château. Mon château? Lequel? J'en ai trois. Celui-ci, monsieur, mercredi en 8. Bon, d'accord. Mais vous surveillerez mes objets précieux, vous autres, hein? Oui, monsieur. Ah, ces journalistes, c'est tellement fauché. Bien, monsieur. Allez, vas-y, déblaire. Doucement. Oh, oh, il faudrait mettre un mot à monsieur Marika, qui vient d'être nommé officier de la Légion d'honneur. Marika? Oui. Un monsieur Marika? Eh oui. Eh oui. Agile! Agile! Je prendrai quelques livres. Rien du tout, mon pied au cul, oui! Ah, ça va, il faut qu'un vrai neuf, là! Tu m'appelles? Marika, la Rosette! Je suis ravie, je vais lui mettre un mot. Mais rien du tout! La Rosette m'aurait dû t'avoir à moi! Ça va venir? Ça va venir, ça va venir, ça va venir! C'est pas Marika qui a collé 300 briques d'emprunt SNCF à ses clients, hein? Marika! Quand il en fait faire des affaires à ses clients, c'est comme s'il est classé en zone sinistrée. La Rosette est pour lui! Et merde! Ribon, le préfet, est mort! Ça le regarde! C'est tout de même lui qui t'avait fait obtenir les terrains de Beaulieu! C'est pas de ça qu'il est mort, non? Il y a des remords qui tuent. Quoi, des remords qui tuent? Si c'était vrai, il n'y aurait plus un préfet vivant. Marika! Je t'ai laisse tomber. Bon, nous avons un invité à déjeuner. Et ça, c'est pas de la crotte. Le directeur des affaires africaines au Quai d'Orsay. Tu le connais? Ma pauvre Régine, qui est-ce que je ne connais pas? Sûr, ça fume ça, dis-moi ça, il n'y a pas que ça fume. Oui, monsieur. Il se dérange pour me rencontrer d'urgence. Ou confidentiellement. Pourtant, Lucien, tu ne fais pas de politique. Je fais de l'argent, ça communique. Tu préfères que j'aille à Deauville? Non, que tu le mettes à ta droite et que tu la boucles. Qu'est-ce qu'il y a? Vous aimez pas la musique? Ah si, monsieur. Alors régalez-vous. Et ton fils? Déjeune avec nous. Lui a le droit de parler. Oh, oh, oh, oh, quelques phrases en anglais, hein? Pour laisser entendre qu'il est passé par Harvard. My father is a farmer. Sœur Chichet de Sœur Chichet. C'est bon, hein? Je progresse, mon accent, il est bon. Oui. Hein? Quelle argenterie? Oh, la petite, pas celle en vermeil. C'est dans l'argent. Ces hauts fonctionnaires peuvent être honnêtes, ça les rend amers. Je vais à la cuisine. Tu ne sais pas si ce monsieur est d'origine. Non, mais tu peux lui faire faire un diplomate, comme entre mai. Ça peut l'amuser, non? Sûrement. Allez, exécution, cocotte, au gars. Lucien! Qu'est-ce qui va pas, ma poupée? Oh, rien, Lucien, rien. Mais parfois, je sens comme un igloo entre les côtes. Qu'est-ce qu'il y a de ça? Un igloo entre les côtes. Un igloo entre les... Oh là là! Alors, ou elle est folle, ou elle a une envie de zibeline. Bien sûr que c'est la cravate qu'il faut, ça. Ah, obligatoire, monsieur. La cravate club avec le blazer. Avec le... Dedans. Elle n'a pas mis le ruban, hein? Non, non, non, monsieur. En soi, c'est une faute. Devant un dignitaire du quai, ce serait un suicide. Vous êtes parfait, Louis. Vous êtes parfait. C'est ma raison d'être, monsieur. Ah, ce doit être l'invité de monsieur. Ah, ne laissez entrer personne d'autre. Bien, monsieur. Sudre. Sudre, qu'est-ce qu'il y a? Elle arrive encore. Sudre, ici, oh, tout de suite. Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Amoureuse, monsieur. Monsieur de Vautrin, bonjour. Bon, déjeunez pas avec nous. Ah, oh, bien, monsieur. Faites-vous servir quelque chose dans votre appartement et tenez-vous prête à carburer. Ce guignol nous apporte peut-être du travail. Bien, monsieur. Oui, oui, c'est bien lui, en effet, monsieur. Bon, faites-le attendre quelques minutes dans le hall. Le temps qu'il admire mes Delacroix. Monsieur. Vous trouve très en beauté, moi. Oh, merci, monsieur. Allez, poupée, allez là. Dis donc, Louis. Oui. Vous n'avez jamais eu envie de vous taper, Sudre? Ce serait trop au-dessus de ma condition, monsieur. Gardez-moi ça, gardez-moi ça. C'est timide, ces jeunes filles en fleurs. Et alors, qu'est-ce qu'il a comme tir? Une idée, noire, avec chauffeur et cocarde. Bon, vous faites déjeuner le chauffeur. Bien, monsieur, mais ce monsieur n'est pas seul. Hein? Un homme, une femme. Ecclésiastique, monsieur. Oui, un peu des deux, quoi. Ecclésiastique vêtu de blanc. Le pape! Le pape! C'est le pape! Non, non, monsieur, non. Un père d'émission, je crois bien. Ah, un ratichaud. Ça y est, je suis épinglé pour une quête. Eh ben, mon grand, eh ben... Vous laissez tout traîner, là. Bon, comment dois-je l'appeler? Monsieur l'ambassadeur. Il n'est pas en poste. Mais il est en titre. D'accord. Ambassadeur de France à vie. Il n'y en a que 5 ou 6, et ce titre passe avant tous les autres. Ah bon? Oui, on ne dit pas monsieur le ministre à Louis Jox, bien qu'il l'ait été plusieurs fois, mais monsieur l'ambassadeur. Ah bon, eh ben je savais pas ça. Oh, nous sommes peu nombreux à connaître la nuance, monsieur. Monsieur l'ambassadeur au début de la conversation, monsieur après. Monsieur l'ambassadeur au début de la conversation, monsieur après. Bon, et le curton? Mon révérend père au début, mon père après. Mon révérend père au début, mon père après. Bon, faites-le entrer dans une bonne minute. Bien. Un, deux, trois, quatre. Un anticyclone venu des Açores. Mon père, ce héros, au sourire si doux, suivi d'un tel U. Mon père, ce héros, au sourire si doux, suivi d'un... Suivi d'un... Mon père, ce héros, au sourire si doux... Trois, quatre, un anticyclone venu des Açores. Mon père, ce héros, au sourire si doux, suivi d'un tel husquier... Bah, mais il ne sait pas non plus. Petit oiseau qui vole, qui joue dans l'eau... Monsieur l'ambassadeur Simon Jaumier, le révérend père Tourane. Oh, mais si je ne m'abuse, cher monsieur, j'ai déjà eu l'honneur d'entrer en contact avec vous. Du moins, mon coude avec le vôtre. C'est exact, monsieur l'ambassadeur. Je suis un pardonneur. C'est moi qui suis flatté que vous me remettiez. J'espère que mes excuses ont été assez contrites pour n'avoir pas à les renouveler. La maladresse venait de ma part, monsieur l'ambassadeur. Monsieur le... Monsieur. Permettez-moi de vous présenter le révérend père Tourane, de la Congrégation du Désert, un de nos plus précieux auxiliaires dans les bons rapports que le gouvernement s'efforce de maintenir au cœur du continent noir avec les nouveaux dirigeants de notre ancien empire. Très honoré, mon révérend père. Asseyez-vous, je vous en prie, messieurs, asseyez-vous pour les places. Enfin, il fait ça, moi. Ah, quand on fait ça, je baise. On m'avait beaucoup vanté la splendeur du château de Courtrai, je n'en reste pas moins, comment dirais-je, émerveillé. Ah, bah c'est un des châteaux de Guillaume le Conquérant, hein. Pas mal, non? Pas mal. Quelle magnifique ambassade il ferait. Ah, une ambassade en Normandie. Ah, c'est juste mon père. La Normandie était rattachée à la France depuis 1204. Elle ne serait pas d'une grande utilité. 1204? Eh, hey, ça fait un bail, non? Oh! Un Rembrandt. Un Rembrandt authentique. Ah, quelle merveille, hein. Ça, c'est une de ses toiles de son époque bleue. Oui, qu'est-ce que nous avons de mieux comme champagne en magnum? Les 4 magnums tête de cuvée 1937 de la Ventelbim. On n'en connaît que 3 autres en Angleterre, chez le duc de Norfolk, chez le duc de Bedford. Non, ça va, vous fatiguez pas, ils écoutent pas, c'est pas la peine. Préparez-moi une au freezer 5 minutes et vous me la portez dans le seau d'Hermès. Hein? Une tête de cuvée 1937 au freezer? Quoi? Monsieur demande un crime. Ah, le champagne, ça se boit glacé, non? Frappez, monsieur, mais pas mort. À la cour d'Autriche, on le servait dans la neige. Ben, c'est pas la saison, on s'en fera une raison. Il garde votre culture pour vous, mon vieux. Il est temps d'en venir à la mission que le ministre m'a confiée auprès de vous. Le ministre? Et mission confidentielle. J'espère que vous m'offrez au moins le plaisir de déjeuner avec nous. Et là, ton cher monsieur, je ne puis vous consacrer que peu d'instants, car je dois rejoindre plutôt l'invité du gouvernement, le colonel Sambo, président de la République du Tananga. Je vous suppose au courant de sa visite. Oui, je l'ai vu hier descendre dans les Champs-Élysées avec plein de petits drapeaux. Encore un qui vient nous piquer du fric. La visite du colonel Sambo est d'une plus vaste portée. Ce n'est certes pas le président des États-Unis ni la reine d'Angleterre, mais notre gouvernement est très loin de prendre sa visite à la légère, n'est-ce pas, mon père? Il aurait grand tort. Je me serais fait une joie de partager votre repas, mais je dois promptement rejoindre nos villes où le président souhaite déjeuner au bord de la mer et visiter la plage célèbre. Je l'en ramènerai en fin d'après-midi. Et là, Monsieur Bex, est l'objet de la mission qui me vaut d'être ici. De toute ma carrière, Monsieur Bex, je ne crois pas avoir jamais affronté tâche plus délicate, n'est-il pas vrai, mon père? Il ne m'est pas plus agréable d'aider à son succès. J'espère que nous sommes trois ici à faire passer le bien de notre pays avant nos convenances. Le compte y sera quand j'aurai compris. J'y viens, Monsieur Bex. Ah, auparavant, je dois vous préciser que ma mission auprès de vous est strictement officieuse. Si capitale qu'elle soit, elle serait catégoriquement désavouée par le pouvoir si elle venait à s'éventer. Une tombe, cher monsieur, je suis une tombe. En plus gai, mais une tombe. Vous êtes aussi un homme d'affaires de premier plan. Et on sait, surtout depuis l'affaire du Watergate, que des hommes de votre envergure sont capables d'assurer à leurs entretiens l'hospitalité de bandes magnétiques. Pouvez-vous m'affirmer qu'il n'existe dans cette pièce aucune installation permettant d'enregistrer secrètement les propos qui s'y tiennent? Je vous en donne devant témoin ma parole d'honneur. C'est une valeur sûre. Mais il y a aussi les portes. Permettez-vous aux révérends de s'assurer qu'elles n'ont pas d'oreilles? Faites chez vous, mon père. Merci, monsieur Bex. Petit cigare? Non, merci. Un quai d'Orsay? Cette circonstance, ça, non? En effet, mais je ne fume pas, merci. Moi, je fume, merci. S'il vous plaît. Pardon. Bon, alors je peux aller droit au but. Le ministre a fait informer hier dans la journée sur une demeure de grande allure, sur la côte normande et chez un particulier de grande fortune. Je vous dois cet hommage que votre château et vous-même répondez seul. Eh oui, mon père, eh oui, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Ça, c'est un bas qui est sur le haut. Je ne le ferai plus. Bien, je continue. Si vous le permettez. Oui, après. Bien. On souhaite en très haut lieu préciser de vous-même qu'au retour de Deauville, je suggère à notre hôte d'honorer votre château de sa visite plutôt que de passer une soirée insipide à l'UNESCO. Oui. Il est blanc, noir, entre les deux? Oh, il tire sur l'anthracite. Mais il est relativement francophone. Pourquoi voulez-vous le larguer chez moi en douce, votre colonel? Votre consentement préalable faciliterait cette confidence. J'ai pas la franchise. Si c'est pour le faire ratatiner par des belles fégores comme un vulgaire Lumumba, j'ai rien contre l'idée, mais j'aime autant que ça déroule ailleurs. Monsieur Bex, je suis les affaires étrangères. Pas l'intérieur. Pardon. Un moment d'humour. Le hasard d'une première entrevue ne doit pas vous faire oublier que ce n'est pas pour mon compte que je me trouve ici. Mais bah, vous avez quand même quelque chose à me demander, mon vieux journaliste. Hein? Bien, apprenez tout d'abord que le président Sambo est le maître absolu de son peuple. Et qu'enfin, l'état du Tananga, géographiquement anodin, n'en recèle pas moins une... comment dirais-je, mon Dieu, une particularité dont la France doit s'assurer la disposition. Et plus encore, empêcher toute autre puissance d'en tirer parti. En compte sur moi pour canaliser le pactole? Maintenant, oui, car le temps dont nous disposons est étroitement limité. Le président Sambo repart pour Londres demain et pour Washington dans 8 jours. De là, il se rendra à l'ONU pour y rencontrer les chefs des délégations étrangères et pour entendre ce qu'ils offrent. Nous ne pouvons pas le laisser quitter la France pour cette quête aux enchères où nous serions distancés. Il doit avoir conclu avec nous avant. Et je clairement exposé la situation, mon père. Merci. Le père Tourane maintient dans la capitale un dispensaire que nous subventionnons. Il ne faut pas vous laisser abuser par le terme capital. Monsieur Bango Tango n'est hélas qu'un pitoyable bidonville de paillotes dans la jungle. Hormis les quelques bungalows des corps consulaires et bien entendu le palais présidentiel, la caserne de la garde et le parc automobile de la présidence. Ah, il y a tout de même des routes. Oui, une autoroute de 3 kilomètres. Pour gagner le bassin où est amarré le yacht du président et une bretelle pour mener au harem. Oui. Ce qui m'échappe encore, c'est ce que je viens faire là-dedans, moi. Nous y arrivons, monsieur. Oui, posez votre plateau. Je servirai moi-même. Merci, merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Montbrosé 67, mon père. Collection LP. Ah. Il y a 3 mois, un groupe de géologues allemands a obtenu du président Sambo l'autorisation de prospecter dans le sud du pays, sous bonne garde, bien entendu, et sous promesse de rapporter au président, exclusivement, le résultat de leurs recherches. Après quelques jours de prospection, ils se sont présentés au palais. Mais le même soir, où les a-t-on retrouvés, mon père? Le même soir, on les a retrouvés morts ou mourants dans un bras du fleuve infesté de crocodiles. Waouh! Ils avaient découvert quelque chose. Eh oui. C'est pour ça qu'il leur était arrivé des bricoles. Pourquoi se poser la question? D'un tueur, votre colonel Sambo. Oh, la vérité, monsieur Bex, est entre les mains de Dieu. Monsieur Bex, un particulier est un tueur. Un chef d'État a des obligations pénibles. Et c'est lui que vous me demandez d'avoir ce soir à dîner. Mais comme le président de la République hier soir. Oui, mais le président de la République, il a des gardes. Moi pas. Vous pouvez encore refuser, monsieur Bex. Qu'est-ce que vous avez découvert, vos géologues allemands, là, vous le savez? La Providence a voulu que je revienne d'un village dans ma pirogue au moment où un de ces malheureux vivait encore, et il a pu me confier qu'ils avaient remis un rapport établissant avec certitude l'existence d'un champ pétrolifère. Oui, de plusieurs dizaines de kilomètres. Du pétrole? Oh, nom de Dieu! Oh, pardon, mon père! Alors ça, je vous fais toutes mes excuses. Je les ferai parvenir. Mais du pétrole, monsieur... est actuellement l'élément fondamental de la stratégie internationale aussi. La possession des gisements du Dananga signifierait pour notre pays l'indépendance absolue et la suprématie dans bien des domaines. Mais grâce à la confidence du mourant, j'ai pu alerter à temps notre gouvernement et pour l'instant, nous sommes seuls sur les rangs pour l'exploitation du gisement. La personnalité du colonel Sambo vous inquiète-t-elle toujours autant, cher monsieur? Je m'y fais. Tout doucement, mais je m'y fais. Aimeriez-vous participer à cette opération? Alors là, je m'y fais tout à fait. Mais pourquoi m'apportez-vous cette gâterie à moi? Hein? Vous n'avez pas de parents, pas d'amis? Oh, monsieur, l'exploitation des gisements pétrolifères ne relève ni de mon ministère, ni de mon contexte familial. Vous allez comprendre comment nous nous trouvons là. Tout s'est enchaîné très vite depuis hier. Le président veut voir un château, le vôtre est choisi. Votre nom traverse les hautes sphères du gouvernement comme un trait de lumière. Vos capacités sont immenses, n'est-ce oui, pas? Ça c'est vrai, j'en connais pas les limites. Notre homme tergiverse, ne veut rien signer. Et encore sur moi? Vous êtes notre seule, notre dernière, mais notre meilleure chance. Notre salut. Bon, pardon. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Eh bien, faire signer ce traité de cession que j'espère laisser sur votre bureau en prenant congé de vous. Quel serait mon intérêt? Eh bien, d'abord, le gouvernement s'en remettrait sous contrôle à votre initiative pour l'exploitation des gisements concernés. Votre rétribution serait minime en apparence, mais proportionnelle au rendement et basée sur la cotation moyenne du marché international. Les conditions même accordées à Cecil Rhodes par la Couronne d'Angleterre en 1897 pour les gisements aurifères du Transvaal. 5 ans plus tard, Cecil Rhodes mourrait milliardaire. Dois-je m'engager à mourir dans les 5 ans? Restons sérieux, monsieur Bex, je n'ai pas terminé. Il est également apparu au ministre qu'au cas où vous réussiriez à faire signer ce traité au colonel Sambo, ce haut service rendu à la nation justifierait votre élévation par décret spécial au grade d'officier de la Légion d'honneur. Ma mission est officieuse, mais vous pouvez tenir cet engagement pour officiel. Votre réponse, monsieur Bex? La seule permise à un Français, monsieur. La nation m'appelle, je réponds présent. Celle même que j'attendais. Bien, alors je vais à présent vous exposer la marche à suivre, conçue par nos services secrets pour un résultat rapide, enlevé avant demain matin. Hey. La visite officielle du président Sambo a pris fin ce matin à l'Élysée, donc la voie est... Mais elle nous mène où? Ne vous effarouchez de rien, nos services secrets ont conçu un plan que nous considérons comme seul efficace. Nous serons discrets, à vous de l'être aussi, mais il va vous falloir de l'audace. Oh, mais pour du pétrole, je giflerai Cassius Clay. Les 4 faiblesses de notre homme sont... Sa cupidité délirante, que ce traité devrait satisfaire. Sa gourmandise extravagante. Sa vanité himalayenne. Et sa lubricité en forme de record du monde. Et j'ai quelques heures pour satisfaire les timides penchants de cet angelo équatorial. Je vous laisse avec le père Tourade qui vous documentera sur les 3 premiers. Pardon, mon père. Cupidité, il vous épluchera le traité. Vanité, il vous décortiquera le personnage. Et gourmandise, Il vous expliquera l'usage d'une bourriche de potel et chabot que mon chauffeur va remettre à l'office. Dis donc, pour la lubricité, j'espère que j'aurai pas à m'en charger. Une jeune personne est en route pour votre château, monsieur Bex. Pourquoi elle va venir ici? Elle va s'envoyer en l'air avec le président? Sous mon toit? Vous pouvez encore refuser, elle fera demi-tour. C'est courant, ça? C'est classique. Mais permettez-moi d'ajouter que cette personne a des manières de reine, qu'elle relève directement de nos services spéciaux, qui l'ont sélectionnée à situer le colonel dans un état d'euphorie favorable à notre objectif. Ce n'est en aucun cas une prostituée, c'est une spécialiste. Vous me rassurez. Dites donc, on est à la page au Quai d'Orsay, hein? La page tourne, le livre demeure et l'histoire de France continue. Ça vient d'inventer, c'est comme dans les affaires, c'est la souris qui piège le lard. Eh bien, cher monsieur, si je veux faire déjeuner le colonel Sambon, Normandie, il est grand temps que je le rejoigne. Le traité est en triple exemplaire. Mmh. Étudiez-le attentivement avant mon retour. C'est ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un disque. C'est un disque dont vous comprendrez facilement l'usage. C'est l'hymne du Tananga. Ah bon, il faut l'hymne du Tananga. C'est indispensable. Eh bien, messieurs, je vais tout mettre en œuvre pour amener notre invité le plus vite possible. Time is money. Oui. Raccompagnez monsieur jusqu'à sa voiture. Bien, monsieur. Si monsieur veut bien me suivre. Quelle superbe demeure. On aimerait tout emporter. Ah, ben, mon père, il ne doit pas tomber beaucoup de neige sur votre dispensaire, hein? Elle remplacerait avantageusement les moustiques et les fourmis rouges, cher monsieur. Je n'admire pas moins la grandeur de votre tâche pour avoir l'infortune d'être libre-penseur. Oh, Dieu a pitié de toutes les infortunes, cher monsieur. Dis donc, qu'est-ce que c'est que cette bourriche-là que son chauffeur va déposer? Avant de vous le dire, cher monsieur, que je ne puis à regret appeler mon fils, je voudrais dissiper quelques fausses vues que pourrait vous inspirer une conception toute laïque de mon caractère sacré. Je suis prêtre, monsieur, et j'abomine le péché. Mais théologalement, le président Sambon n'ayant pas reçu le baptême n'est imputable aux yeux de l'Église que du péché originel, n'est-ce pas? Oui. Ah ben, oui. Les aberrations de sa nature, les dérèglements de sa conduite m'affligent, certes, mais sans m'indigner. Et ce n'est pas pour moi démérité que de les mettre à profit pour le bien de la patrie où le Seigneur a jugé utile de me faire naître. Voilà. Vous m'avez compris. Oh, très bien, mon père, très bien. Je ne suis pas dans les affaires sans en connaître un bout sur les restrictions mentales. Non, c'est la bourriche que je comprends pas, moi. Eh bien, cher monsieur, cette bourriche contient une venaison dont le président Sambo est friand de père en fils, si je puis dire. Ah. Une venaison quasi impossible à se procurer à Paris et que d'ailleurs le protocole répudie sur les tables officielles. Il n'y a cependant aucun mec qui puisse réjouir davantage le président Sambon et donner ainsi un caractère de chaude cordialité au repas que vous nous offrirez ce soir. Oui, bon, d'accord, mais c'est quoi cette barbaque? Hein, du zèbre? Du singe? Du lion? Du quoi? Assez voisin du singe, mais en plus évolué. Allez, allez au bout de votre pensée, ce sera la réponse. De l'homme. Omnia caro pulvis et adem est. Toute chair et même poussière. Vous voulez que je fasse bouffer de la viande humaine à ce moricaud? Hélas, monsieur, bien des francophones se ressentent encore d'une ascendance francophage. Non, ce serait pour le président Sambo le couronnement fastueux et inespéré de sa visite en France. Eh ben, je comprends qu'on est reculé à l'Élysée. Et même à l'hôtel de ville. Dites-moi, cette venaison-là, comme vous dites, vous l'avez trouvée où? Par Oual, je suppose. Les services spéciaux sont rarement embarrassés. Un appariteur de l'Hôtel Dieu a été approché sans vaine confidence. J'ajoute que la bourriche sera remise à votre cuisinière comme pièce de gibier. Peut-être la viande humaine dans mon frigo? Oui, mais moins qu'à la morgue. Un établissement respectable. Mais c'est quoi votre fin morceau-là? C'est quelque chose de reconnaissable? Ah, en entier, oui. Non, mais rassurez-vous, il est déjà paré et émincé. Et vous voulez que ma femme et moi, nous nous Nous regardions le président se farcir son petit plat entre la timbale milanaise et les asperges sauce gribiche. Non, je crains, cher monsieur, que vous n'ayez pas saisi toute la pensée de monsieur le conseiller du gouvernement. Comment? Non, le président Sambo serait sans nul doute profondément offensé et même irréparablement heurté si madame votre épouse et vous-même hésitiez à partager son plaisir. Ah. Mais cela créerait un déplorable climat de désapprobation qui annulerait l'efficacité certaine de votre attention. Vous voulez que ma femme et moi, nous nous tapions de son anan? Enfin, mais songez seulement à la grandeur indicible du résultat. Non, il n'est pas question, mon père, il n'en est pas question. Et aussi aux immenses avantages que vous en tirerez. Mais non, mais... Quand même, hein, quand même! De plus, madame votre épouse ainsi que vos gens ignoreront de quel gibier il retourne. L'étiquette Potel et Chabot figure sur la bourriche que monsieur Simon Jaumier vous a apportée à titre amical. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a sur la bourriche qui m'inquiète, hein, c'est ce qu'il y a dedans. Ah oui. Non, non, mais je comprends vos scrupules. Non, non, non, non, c'est pas une question de scrupules, c'est une question d'estomac. Bon, ben alors, dans ces conditions, il me paraît inutile. Mais une seconde, mon père, une seconde! Ça mérite une même réflexion, vous êtes drôle. Quand même dur à avaler, non? D'être sûr que c'est indispensable, il n'y a pas moyen de trouver autre chose. Hein. Non, mais je suggère cuisseau de venaison à la talangaise sur le menu. Oui, ah ben comme ça passera mieux, oui. Non, non, mais le président est fin connaisseur, il ne se trompera pas au fumet et la partie sera superbement engagée. Eh ben, j'espère que le directeur des affaires africaines et vous-même serez de la fête. On va se régaler. Ah, la question ne se pose pas pour moi, cher monsieur. Eh ben, pourquoi? Ben non, nous sommes vendredi. Le président Sambo est accoutumé à me voir respecter encore l'ancien commandement lorsque je suis son hôte. Non, je tromperai ma faim en reprenant des asperges. Ben voyons, ben voyons. Ma part d'abnégation sera de dire quand même le bénédicité. Très bonne idée, mon père, très bonne idée. Oh, mais, me permettez-vous de parcourir les superbes allées de votre parc? Oui, nous en prie, mon père, je vous recommande l'essai. La plus belle collection de tulipes après celle du jardin des plantes. Ah, et quelle piscine! Ah, ça, j'en suis pas un peu fier. C'est la reproduction exacte de la pièce d'eau du Taj Mahal. Eh bien, à propos de vanité, puisque vous m'y faites penser, les Noirs sont de grands enfants. Tout ce qui brille les fascine, l'or, les bijoux, les diamants, les attendrissent. Ne le soumettez pas à la tentation. Dites-moi, mon père, ce soir, pour le dîner, le Noir, quand il va reconnaître son 4 heures, il va pas en faire un plat, si j'ose dire. Non, mais rassurez-vous, ce n'est pas un homme à commenter les honneurs qui lui sont dus. Ouais, le ciel vous entend. Oh, ma voix lui est familière. Oh, m'en voudriez-vous de prendre un peu d'exercice avant le dîner? Vous voulez que je fasse sceller un cheval? Oh, grand Dieu, non, non. Non, mais j'aperçois les ruines d'une chapelle au bout de l'allée. Ah, vous voulez la rebâtir? Je vous préviens, m'a déjà fait le coup de la cathédrale. Non, seulement remuer un peu de terre. 5 ou 6 pelletés au plus. Quel drôle d'idée, ça. Ah, non, mais creuser à peine. Bah, si ça vous amuse. Oh, ce n'est pas le mot. Mais je pensais au repas de ce soir. Il serait charitable d'assurer à ce qui restera de la pièce de résistance une sépulture chrétienne. J'avais oublié ce détail. C'est une règle impérieuse de notre ordre. Rendre les derniers devoirs aux trépassés, si peu qu'il en subsiste. Je ne peux pas vous refuser ça. Creusez, mon père, creusez. Et je vous remercie pour le défunt. Eh ben, cannibale, cocu et gardien de cimetière. Ah, je leur ai sué ma rosette. Allô, Sudre. Sudre. Prenez l'encyclopédie universelle, Britannica, le Quid, là, etc. Préparez-moi un topo sur le pétrole et ses dérivés. Oui, je veux savoir quelque chose. C'est... Ah, c'est drôle, j'ai plus faim du tout, moi. La collaboratrice de monsieur l'ambassadeur demande à être reçue. Faites entrer la collabo. Eh, hey, Louis, j'ai pas dit. Vous êtes croyant, Louis? Bien entendu, monsieur. Oui, vous avez raison, c'est la bonne carte. Dis donc, on est vendredi aujourd'hui? Oui, monsieur. Dans sa partie, là, on fait maigre le vendredi? L'église dispense les voyageurs, monsieur. Et de plus, c'est devenu facultatif. Ouais, pour les tirs au flanc peut-être, pas pour un professionnel. Bon, dites-moi, ce soir, ne repassez pas les plats. Mais jamais dans un grand dîner, monsieur. Ah bon? Eh ben c'est encore une veine, ça. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle ou madame? C'est mademoiselle, mais sans impatience. Nora Vior, comme le viaduc. Je le connais, très beau viaduc. Vous n'avez rien à lui envier. Merci. Monsieur Bex? Lui-même. Enchanté. Bon, eh bien voilà, je viens travailler. Vous m'attendiez, non? Oui, naturellement, mais nous faisons connaissance dans des circonstances... La mise au point tout de suite. Inutile de vous égarer dans des pensées folâtres. Ce serait peine perdue pour vous et du temps gâché pour tout le monde. Ah. Je suis ici pour vous connaître et pour connaître cette maison. Ce château. Mettons cette demeure. Oh, ne me dites pas que vous en connaissez, que vous en visitez de pareil tous les jours. Il m'est arrivé d'en fréquenter d'aussi belles. Ma fête, les services vous réservent pour la haute, hein? Le gratin. Vous me prenez pour une call girl? Je vous accorde le bénéfice du doux. J'en parle. Merci. Alors, pour dissiper tout malentendu, je ne suis pas manipulée par les services, je fais partie des services. Oh. Je suis ce que les Russes appellent une hirondelle. Gazouillez-moi quelques éclaircissements. Un fonctionnaire comme un autre, qui travaille pour le gouvernement. Hé, sur l'oreiller. Le sexe au service de la patrie, en somme. Hein? Ça se pratique depuis la Bible. Ah bon? Vous connaissez Dalila? Dalida? Dalila! Dalila! C'est une question à 100 francs, hein? C'est une hirondelle. Et Salomé, qui s'est offert la tête de Saint-Jean-Baptiste, c'est encore une hirondelle. Oh, c'est un rassemblement pour l'automne. Seulement depuis, la technique s'est améliorée. J'ai dû faire un stage de 2 ans à l'école du sexe. Mon Dieu! À l'école du sexe, où ça? À Verkhneuil, en URSS. J'ai obtenu mon diplôme avec la meilleure des mentions. La mention interdite au moins de 18 ans. Je peux obtenir n'importe quoi, de n'importe quel homme, n'importe où. Même dans un ascenseur de grand magasin, un jour de solde. Vous êtes en quelque sorte une hirondelle sur ordinateur. C'est un peu ça. Une hirondelle programmée, aussi efficace qu'un sous-marin atomique. Eh ben, ma petite chapeau. On ne pas souvent, mais alors là, vous avez réussi, hein. Oh, je n'en ressens aucune fierté, croyez-le bien. L'éducation sexuelle au niveau de l'agrégation. Fallait y penser, hein. Et pourquoi tu voulais en Russie? Le genre pas existé en France, les petites fables, le cochon, là. C'est notre spécialité. Non, nous n'en avons pas encore. Naturellement, toujours en retard d'une guerre. Bon, vous m'en occupez, moi, de l'école française du sexe. Ce sera pas une petite histoire, je m'entends vous le dire. Tenez, je vous engage comme directrice à des appointements à faire pâlir d'envie à l'ambassadeur. Vous voyez qu'on perd pas son temps à bavarder avec moi, hein? Naturellement, pour ça, il faudra que je vous revoie très vite pour que vous me racontiez les petits détails. Vous faites les demandes et les réponses. Quand je suis lancé, je parle pour deux. Je pourrais vous offrir une jolie dot pour quitter les services, mais je trouve le moyen de vous y laisser en vous évitant de grimper à l'assaut. Hein? C'est gentil, ça, non? C'est tentant? Pour une quelconque horizontale, peut-être. Pas pour moi. Et puis vous oubliez que je suis sous contrat avec les services et qu'ils n'ont pas pour habitude de badiner. Et le double jeu? C'est la base de tout espionnage bien conçu, ça. On ne vous décourage pas facilement, monsieur Bex. On ne résiste pas à Bex. Tenez, pour vous prouver ma bonne volonté, je vous accorde une petite avance pour vous offrir une nouvelle panoplie. Non, pas tout de suite, prenez votre temps, je réponds de votre temps. Là, regardez, ça bat le langage des fleurs. Regarde. J'ai vu. Vous êtes sûr que vous avez de bons yeux? Très bon. En ancien France, ça fait quand même 10 briques. Pouvons-nous en terminer avec les détails de ma mission? Oh, les détails, mais j'ai horreur des détails. J'ai des instructions très précises. En ce cas, vous n'allez pas faire comme chez vous, hein? Je suis chez moi. Pardon? Je suis chez moi puisque je suis votre femme. Vous êtes ma femme? Un homme comme vous a certainement les moyens d'avoir une femme légitime telle que moi. Ah, je pourrais en avoir 4 si je voulais. Eh bien, je serai votre épouse. Oh, rassurez-vous, momentanée et provisoire. Dommage. Mes services en ont ainsi décidé. Et dans vos services sont mal renseignés, je suis déjà en possession d'une épouse. Ah. C'est embêtant, ça, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Eh bien, dans ces conditions, je laisse à votre femme la place qui lui revient. J'espère bien à table et dans le lit du colonel Sambo. Ah bon, parce que le colonel... Tu as expressément accouché avec toutes les femmes de ses hôtes. Et du trésor. Tu l'as. Aussi, cette manie est-elle devenue un protocole? Oui. Le colonel veut pouvoir se vanter, de retour dans son pays, d'avoir fait crack-boom avec la femme du premier président de la Cour de cassation. Il veut faire crack-boom. Ils ont beaucoup évolué. Oui, c'est possible. Je ne veux pas que Régine s'envoie un nègre. Cette précision, c'est du racisme. D'abord, c'est du racisme de ne pas vouloir être cocu. Bah, nouveau, ça. Ah. Mais puisque je suis là pour ça, pour prendre la place de Madame Bex pendant la petite formalité protocolaire. Et dans vos activités, c'est une vocation? Un don. Une sorte de violon d'Indre. Et puis, comme je vous l'ai dit, je suis programmée pour ça. Et aussi pour ne pas accepter de douceur. Eh ben, après Tabarly, c'est la journée, là. Revenons aux choses sérieuses, Monsieur Bex. Oui, mademoiselle, revenons. Comment êtes-vous avec votre femme? Je suis comme il me plaît. Elle est au courant de l'énorme importance de la visite que vous attendez ce soir? Alors, je vais garder ça pour cet après-midi avec un autre détail que je suis pas pressé de lui apprendre. Je sais pas à quoi ça tient, c'est une pudeur. Votre lune de miel doit être loin derrière la colline. Elle décline. Votre femme accepterait peut-être de se perdre dans la nature le temps voulu. En mettant les choses au pire, votre visiteur doit être à Orly demain aux aurores. Ce que j'en dis, c'est pour vous. Ça dépend jusqu'à quel point cette visite vous tient à cœur. Au plus haut point et un cran au-dessus. Parfait. Pouvez-vous me faire conduire à ma chambre? Entendre, c'est obéir. Oh! Mais auparavant, si vous n'y voyez pas l'inconvénient, je vais piquer une tête dans la piscine avant le déjeuner. Vous m'avez notifié que vous étiez ici chez vous, les autorisations me semblent superflues. Louis! Vaquez à vos occupations. Ah bon? Ah bon? On va voir autre chose, hein? Mes bagages sont dans l'antichambre. À tout de suite, Monsieur Bex. Oui. Voilà. J'ai vu passer l'hirondelle dans le ciel pur du matin. Louis? Louis? Il n'y a plus personne. Elle est partie, là, madame. Oui. C'est dommage. Oui, c'est beau d'être jeune, mon grand, hein? Ah, trêve de plaisanterie. Oui, vous accompagnerez mademoiselle jusqu'à la chambre où la reine Mathilde a fait une fausse couche. Non seulement j'ai payé ce château une fortune, il a fallu que j'apprenne mon histoire de France. Et j'aime autant vous dire que la vie de Guy... Ah ça, c'est une bourriche qui m'a été remise par le chauffeur de monsieur l'ambassadeur. Je la portais à l'office. Oh là là. Doucement. C'est fragile, ce truc-là. Ah! Oh, il bouge encore. Ah, mettez-le sur ses pieds. Ben, si ce sont des pieds. Allez, rejoins le Aristide, madame, messieurs. Oui. Dites-leur de me rejoindre à table. Pas que j'ai tellement d'appétit. Il faut bien que je les mette au courant. Grosso modo. Y'a quelqu'un? Quand je pense que j'ai promis d'être une tombe, je croyais pas si bien dire. Déjà de retour? Oui. Bravo, Sup, bon travail. Dis donc, c'est tout ce que vous avez dégoté là comme Comme harnais quand vous êtes rien cassé, hein. Oh, vous savez, monsieur, trouver des objets d'harnais à Oulgat un jour de marché, oui. Hein. Oh, regardez-moi celui-là, mais quelle horreur! Mais il ferait avorter une mère gigante! C'est pourtant l'idole bantou de la fécondité! Eh ben? Eh ben, ils sont pas difficiles, hein? Comment vous savez ça, vous perverse? Ah, oh, c'est le marchand qui me l'a dit! Oh, j'ai eu la chance de rencontrer un véritable ivoirien qui vendait des objets à la sauvette étalés par terre comme ça sur une toile! Alors, forcément, hein, un ivoirien peut pas se rendre compte! Ça fait rien, je vous fais un dessin. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, que c'est le mignon, je suis là. Ah, t'as un masque de danse. Ah bon? Essayez-le un peu pour voir. Eh ben, les dents, c'est pas avec ça que vous remplirez votre carnet de balle. Sudre! Sudre, qu'est-ce que je vois? Ici, Sudre, tout de suite ici. Ah! Je n'ai pas demandé de me rapporter des cochonneries, hein? C'est le fétiche qui ramène la virilité. Ouais, ça ramène la virilité, ça? Oui. Il vous a dit comment on s'en servait? Je n'ai pas osé le lui demander, monsieur. Égoïste. J'ai pas eu le temps. Et ça, qu'est-ce que c'est, ce petit zizi, là? C'est la suite? Mais non, voyons. Ça provient de chez l'antiquaire, c'est un gris-gris. Un quoi? Un gris-gris. Qu'est-ce que c'est, un gris-gris? Un gris-gris? Un gris-gris, un gris-gris, un gris-gris. Un gris-gris, c'est un porte-bonheur. On dit que ça protège les jeunes filles. Ça protège les jeunes filles, ça? Ben, je vous en fais cadeau. Ça pourra sûrement vous être utile. Du gris-gris que l'on prend dans ses doigts et courra. Bongo, bongo, tchaka, tchaka, bongo, tchaka, a bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo. Qu'est-ce que tu fais? Je crée un climat favorable. Un climat typiquement bantou, mon chou. Pou, hibou, genou, caillou. Ma tante n'est pas là? Si, ta tante? Quelle tante? Je me permets de te rappeler qu'avant le déjeuner, à la fin de ton exposé, tu nous as présenté Mademoiselle Vior, oui. La nouvelle Madame Bex. Elle le sera seulement ce soir, hein. Et que maman devenait ta sœur, donc ma tante. Ta mère a voulu rester, il a bien fallu justifier sa présence. La faire passer pour ma sœur, c'est tout. Elle pense que ce dîner sera plein d'enseignements. Elle ne veut pas rater ça. Mon petit, ta mère est avant tout une grande Française, hein. Elle veut participer à ce qui va se passer ce soir, assister à un événement qui fera date à la grandeur et la prospérité de notre pays. Et te seconder dans ce qui sera sans doute une grosse affaire pour toi. De Laurent Barre et la France à aider, non. Tu t'es pas imaginé une plus belle coïncidence? Essayer serait folie. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a cette télé aujourd'hui? Elle marche pas? Oh, c'est sans doute le vent qui aura encore détraqué l'antenne, monsieur Aristide. Bon, allez mes enfants, attention tout le monde sur le pont. Chacun à son poste et pas de bévue, hein. Ne pas faire l'endouche selon ton habitude. Lucien, tu es très dur avec Aristide. C'est parce qu'il est trop mou. Un peu de nerf, mon Dieu, tu m'as sous les yeux en permanence. C'est peut-être pour ça, papa. Fais l'insolence, toi. Je voulais dire simplement que tu fais preuve d'une telle vitalité qu'il n'y a plus de place pour un autre Bex. Il y a de la place pour un autre Bex. Celle que je te prépare. Tu me vois régner, tu n'en tires aucun enseignement. Il est bien jeune, Lucien. Il est bien jeune. À son âge, j'étais déjà à la tête de deux sociétés. Que je t'avais apporté en dot. Oui, mais auparavant, je t'avais enlevé. Ah, fallait le faire, non? Ah. Ton aimable père m'avait mis ses chiens aux trousses. Mais ça, c'est pas une meute de Doberman qui m'aurait fait lâcher deux sociétés. Eh oui, mon petit, mon mariage avec ta maman a été une grande et belle histoire d'amour. Oui, oui, mais ces tendres souvenirs ne doivent pas me faire oublier d'établir le menu de ce soir avec Mireille. Oui, tâche de nous faire un petit pot. Ah non! Alors, surtout, t'en mets pas, hein. Je vais m'en occuper avec le père Tourane. Il est cuisinier? Oh, il connaît les goûts de notre invité. Je vais lui offrir un petit dîner surprise. Quelque chose qui lui rappelle un peu son pays. C'est vrai, ça, écoutez. Imaginez votre joie si au cœur de l'Afrique, on vous présentait tout à coup une entrecôte bordelaise. C'est un peu ça, l'idée. Tu nous as appris que l'Étienne n'était jamais quelconque. Une sainte! Moi j'appelle ça une sainte, mon petit. Monsieur! Ah. Tiens, oh, voilà la femme au gris-gris! Qu'est-ce qui va pas, poupée? Des problèmes? Oh non, non, non. Monsieur, je voulais simplement vous demander quel serait mon rôle durant le dîner. Non, aucun rôle à jouer. Pourquoi? Ça voudrait amuser de faire partie de la famille? Oh non, je sais pas. Eh ben, vous assisterez au dîner. Ça fera une femme de plus. Vous jouerez le rôle de Sudre, celui qui vous convient le mieux. Efficace et effacé. Il serait peut-être temps que tu nous nous donnes quelques renseignements sur l'autre qui va arriver. Oui. Tu as fait tant de mystères pendant le repas. Vas-tu enfin nous dire de quelle république il est le président? Je vais vous le dire. Le Tananga. Hein? Le colonel Sambo? Tout juste, Auguste. Oh mon Dieu. Lucien, c'est une blague. Ce tyran, ce despote sanguinaire sous mon toit. Allons, ma tante, il ne fait que passer. Ma tante? Bah oui, il a raison. Bah oui, je m'entraîne. Bah oui, ça vaut mieux que de faire une gaffe en plein dîner, vous, là. Alors, tu veux toujours rester? Mais voyons, reste, ma tante. Tu n'as jamais eu l'occasion de rencontrer Hitler. Et pourtant, papa avait construit le mur de l'Atlantique. Un tout petit bout. Fallait du ciment, j'en ai trouvé. Et à la libération, moi qui déteste la politique, j'ai dû m'inscrire à un tas de partis. J'ai dépensé une fortune en cotisation. Il est vrai que le colonel Sambo a perfectionné le système. Il ne limoge pas ses ministres. Il les envoie au crocodile. Bah, écoutez-le, celui-là, au crocodile. Mais alors, c'était un petit sous-secrétaire d'État. Il l'a fait manger par des crocodiles sacrés. Une nuance, non? On fait toute une histoire. On en raconte bien d'autres à son sujet. Il a fait bouillanter son ami d'enfance. Vous lisez trop les journaux à scandale, vous. Mais on a vu les images au journal de la Une. La télévision a fait un mal à la France. Sud, ramenez-moi ça. Le colonel Sambon, en tant que dictateur, c'est douloureux problème. Il règle comme il entend. Moi, je suis un libéral. J'ai pas à m'en mêler. D'ailleurs, de tous les côtés, on le présente comme un type charmant. Hein? Ah oui, charmant. Fin, délicieux, cultivé et respectueux, ce qui n'est pas pour me déplaire, des traditions de ses aïeux. Tiens, tu pourras prendre des leçons avec lui, toi. Je n'y manquerai pas. Bon, d'autres questions? La tenue pour ce soir? Le grand tralala. Aristide smoking, les femmes comme à Versailles. Nous pouvons disposer? Oui, j'ai un contrat à étudier. Allons-y, ma tante. Ça tombe. Chut! Le pétrole. Pétrole, du latin pétra, pierre, et oléum, oui. Oléum, on s'en fout, ton oléum, mais vas-y. Familièrement appelé or noir. Ne m'achouillez pas, lisez comme du Hugo. Bon, principaux gisements connus, l'URSS, USA, Arabie Saoudite, Iran, Koweït. Gisements supposés. Supposés. Juste structure géologique sédimentaire des territoires. Oui. Somalie, Angola, Tananga. Stop! J'ai une tension à ménager, moi. Mais dans cette industrie est en augmentation constante, vu les utilisations multiples des produits dérivés du pétrole, particulièrement aux États-Unis, où la consommation annuelle atteint 2700 kilos de produits pétroliers par habitant. Bravo, sûr. Bon, vos consignes maintenant. Et non, pas de notes, hein, tout dans le ciboulot. Ah bien, monsieur. Les Noirs sont de grands enfants, tout ce qui brille les fascine. Soumettons-le à la tentation. Qu'est-ce que nous avons en lingots d'or dans la chambre forte? 200 de la Banque de France, poinçons à jour, 3 barres de la Fédérale Banque, sans oublier les émeraudes. Aïe! Elles vont s'envoler ce soir pour un long voyage dont tout l'agrément sera pour Bibi. Mon pauvre père, qui était dans le prêt à porter, disait toujours: si une affaire est bonne, c'est qu'elle peut être meilleure. Un champion lieu, un poing comme un casse-pierre. Mais pas d'allonge, jamais la grosse bise. Le rase-motte et l'envergure d'un canari. Et moi je dis: où le père a passé, le fils doit dépasser. Correct? Ah oui, monsieur Bex. Prêt de la banque de retrait imminent de 5 millions. 500 millions? Aussi sec, au porteur et sans explication. Mais... Chut! Supplément au petit cadeau de bienvenue pour la réalisation d'un contrat personnel que je vais joindre en douce au traité de cession. 10 000 petits nègres vont travailler en douce au puits pour la ration d'un soldat de campagne. Oh, 500 millions, c'est une autre actif disponible. Ah, monsieur! Quand on a entre les mains une quinte floche à la couleur, apprenez qu'on peut miser le tapis. Surtout quand ce tapis est celui des mille et une nuits. La voiture de l'invité de monsieur est en train de franchir la grille. Mon Dieu, des jeux. Allez, vite, vite, oui. Les microphones. Allez, vite, oh, vite. C'est une voiture officielle DS noire avec cocarde et deux motards. Quand vous pensez qu'un chef d'État, ça dépasse son trottinette, hein? Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ne dédaigne pas l'usage de la bicyclette. La bicyclette. Lucien, c'est déjà le monstre. C'est le monstre, mais pas vite. Attention, ce que vous dites, pas de carte, mes enfants. Allez, on va aller à son arrivée, au parc à danser. Hein? Alors tu te mets derrière, quoi, voyons. Vous commettez une grave erreur de protocole. C'est vrai, c'est un qui m'a parlé derrière. Vous y êtes, attention, dans la distinction, la grâce, hein. Pied gauche. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Tananga. Voilà la distinction, les enfants, souvenez-vous. devrait pas tarder. Il est déjà parti depuis 20 minutes avec le président Inora. En effet, son absence devient bizarre, ma tante. Ne m'appelle plus ma tante. Le colonel n'est pas là, c'est inutile. Il m'est infiniment plus agréable de m'imaginer que ma tante et non ma mère s'est prêtée à cette mascarade. Et je trouverais hautement moral que le gros orang-outan refuse sa signature. Après tout ce cirque... Permettez-moi de trouver votre humour à rien grinçant, jeune homme. Il y a un élément dont votre digne révolte semble faire bien peu de cas. C'est la France. Pense à la France, mon petit. Tu vas m'arracher des larmes. Mon cher ambassadeur, laissez son privilège à la jeunesse. Oh. Jeune homme, je trouve moi votre réaction très saine et fort plaisante. C'est un peu comme une bouffée d'air pur dans cet équipé, mais qui n'est, croyez-moi, qu'une bluette comparée à tout ce qui se trame, se complote, sourdit chaque jour un peu partout dans le monde. Alors c'est le monde qu'il convient de changer. Ah. Nous y pensons sans cesse, soyez-en persuadés. Eh oui. Ah non. Ah non, pas de télévision, non, ce n'est pas le moment. Croyez-vous vraiment que tout est en train de bien se passer? Bon, madame, tout à l'heure, cette demeure appartiendra à la petite histoire. Le précieux pétrole du Tananga sera propriété légitime de notre gouvernement jusqu'au dernier millilitre. Et monsieur Bex aura enlevé d'un coup de plume son contrat de modalité de salaire, qui, entre les mains d'un profiteur, serait une malédiction pour la main-d'œuvre tananguaise concernée. C'est-à-dire les trois quarts de sa population. Mais qui, dans les mains de monsieur votre mari, sera un instrument de travail et de progrès. Il s'y est engagé envers moi solennellement. Alors, puisque personne ne semble douter du résultat, sauf vous peut-être, mademoiselle Sudre, vous ne dites rien? Ce n'est pas mon rôle, monsieur Aristide, mais puisque vous me demandez mon avis, je crois en effet que le coup de plume sera donné, mais un peu grâce aux 8 barres d'or et aux 3 émeraudes que je suis allé chercher dans la chambre forte. Surgissons de la nuit. Lucien, éteins ces bougies, tu vas mettre le feu. Étiquette, ma bonne amie. Tout chef d'État reçu et promené de nuit a droit à son candélabre. Mais c'est un fait que lorsque le Sénat romain recevait César, de nuit, il envoyait à sa rencontre 2 éléphants porteurs de torches à bout de trompes. Le jardin d'acclimatation n'ayant pas eu le temps de me livrer ses trompes, je remplace les 6 éléphants. Avantageusement. Eh bien, a-t-il signé? À l'heure qu'il est, la France doit posséder le pétrole tamang. Oh, bravo. Monsieur Bex, vous êtes non seulement un homme d'affaires célèbre, mais encore un diplomate dans la grande tradition du Quai d'Orsay. Oui, je crois que je me défends bien. Raconte-nous vite. Ce fut très beau, très simple, très ému. Dire qu'un jour, les petits-enfants dans les églises et dans les écoles apprendront par cœur le récit de cette sinèque. Sudre, je suis ému. Nous étions debout derrière une table qui allait devenir historique. Nous avions sorti nos stylos. Et vous avez signé? Non, on a échangé les stylos. C'est une tradition, paraît-il. Oui, en effet, mais d'ordinaire, l'échange a lieu après la signature. Ah bon? Ah ben lui, il a voulu avant, hein? La confiance règne. Le stylo du colonel Sambo. Mais c'est un vulgaire stylo en ébonite. Il ne l'a pas moins fait tomber bien des têtes. Et le tien offert par moi était en or massif, doublé platine. Pour une fois, père, vous vous êtes fait rouler. Ah, pour mon fils, qu'on ne se fait jamais rouler quand on sert la France. Et quand la perte est compensée par un bénéfice 100 000 fois plus important. Ah, dis donc, il a également exigé le chronomètre en or qui ornait mon poignet. C'est encore une tradition, ça. Bon. À ma connaissance, non. Ah bon? Alors vous avez signé? Pas encore. Oh, en Afrique, les palabres ne vont pas si vite. Il va décorer du mérite Tanok. Ça, moi aussi. Eh ben, moi aussi. Oui, mais vous n'êtes pas commandeur. Moi, le colonel m'a élevé à la dignité de grand cordon. Avec baiser sur les joues? Non, sur la bouche. Oh! Pao! Oui, oui, le grand cordon a droit au baiser fraternel sur la bouche. Les lèvres du colonel étaient-elles suaves? Mais on peut pas dire que ce soit. Les affaires sont les affaires, non? Les affaires de la France, bien entendu. Revenons à la signature. Alors, je suis impatient. Quand je fus grand cordon, le colonel prit mon stylo, en or massif doublé de platine, se pencha sur mon traité. Il signa enfin. Non. Il se mit à danser, à chanter, à crier, bongo, bongo, cha-cha-cha, bongo, bongo. Il était devenu fou? Non, il invoquait son dieu Titikidou. Au pays Tanang, la divinité du troc et du commerce, le protecteur des marchands. Et des filous. Mais là-bas, les deux professions sont un peu confondues. Oui, alors, et par discrétion, je me suis retiré sur la pointe des pieds, laissant le colonel... Avec son dieu Titikidou. Et Nora, prudent tout de même, en cas de difficulté, elle donnera le dernier coup de pouce. Vous appelez ça un coup de pouce? Vous n'écoutez pas mes enfants, l'affaire est dans le sac. Elle me semble, en effet, en bonne voie. Ah oui, d'autant plus que j'ai laissé traîner dans la pièce vos barres d'or et vos émeraudes. Dans quelques instants, Nora va revenir avec le contrat signé, au dit-on, Jomier. Vous avez vu? Oh, je me suis permis un petit essai. très saillant. Ça illumine le visage, tout de suite. Ce falbalal est un peu pour... Non, non, non, non, pas pour les connaisseurs. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça, Louis? Des sandwichs de son Excellence le Président, madame. Quel sandwich? Mademoiselle Vior a cru comprendre que son Excellence serait désireuse d'emporter pour son voyage à Londres demain une manière d'encas confectionnée avec les reliefs de la pièce de venaison à la Tananguaise. Il faut reconnaître que Mireille s'est surpassée. C'est pas votre avis, Mademoiselle Sud? Oh, si, madame, j'en aurais repris bien volontiers. Pendant tout le repas, je me suis demandé quel pouvait être ce gibier, délicieux d'ailleurs, et indéfinissable. Mais nous sommes en juin, la chasse n'est-elle pas fermée? Mais en effet, madame. Alors, Lucien! Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Quel était ce gibier qu'on nous a servi ce soir? Le gibier? Oui. Le gibier? Oui. Ah, le gibier! Ah oui, c'était du... Du mouflon. Hein? T'as un vieux mouflon. On a le droit en juin de chasser le mouflon. Ça, j'aime tellement les expressions qu'il emploie quand il juge un plat. Oh, ce gibier était-il velours? Oui, ou bien au contraire, était-il charnu? Avait-il du corps? Trouvez pas. Trouvez pas qu'il fait une chaleur effroyable, non? Moi, je l'ai trouvé succulent. Il est vrai que j'avais une faim d'anthropophage. Jure, t'as ces plaisanteries, je te jure. Qu'avez-vous? Vous êtes tout pâle. Seriez-vous souffrant? C'est clafoutis qui passe par les enfants. Un peu d'air frais vous fera du bien. Quelle idée aussi de servir un clafoutis dans un grand dîner, si on m'avait laissé faire. Enfin. Louis, vous êtes content de votre cravate? Oh, lorsque l'invité de monsieur sera parti, je demanderai la permission de ne plus la porter. Ne parlez pas à la légère, Louis. Le révérend père nous a expliqué tout à l'heure qu'elle nous donnait droit au présenté armes des factionnaires au Tananga. À votre place, je ferai le voyage pour me payer ça. Je suppose que la cuisinière a aussi sa cravate. Oui, oui, la même, madame, mais avec des glaives. Mmh. Ah. Mademoiselle Vior. Ah, oh. Le contrat. À la hussarde. Eh? Oh. Il m'a renvoyé à la hussarde. Oh, oh, vite, mademoiselle Sud de la... Qu'est-ce qu'il fait? Il joue au mécano avec ses barres d'or et aux billes avec les émeraudes. Mais en dehors de ses enfantillages? Rien d'autre. Ma robe n'a pas un faux pli et aucune mèche de ma coiffure n'a subi d'outrage. Je vous laisse conclure. Ah, c'est impossible que je vous ai laissé... Quand je l'avais laissé seul avec lui, tous les espoirs étaient permis. Il m'a fait asseoir à ses côtés, mais c'était pour lui tendre ses joujoux. Enfin, avez-vous vraiment fait, comment dirais-je, tout le nécessaire? Monsieur l'ambassadeur, mon échec, le premier, est suffisamment vexant et invraisemblable. Je vous demande de ne pas ajouter à mon humiliation en mettant en doute ma conscience professionnelle. Mais oui, ben moi, c'est votre ordinateur que je mets en doute. Il a dû vous programmer uniquement pour les jours de solde de la Samaritaine. Mais c'est en effet inimaginable. Mais comment un homme peut-il vous résister? Mon père, vous n'êtes peut-être pas le mieux placé pour porter un jugement de cet ordre. Pour être père blanche, n'en suis pas moins homme. Bon, mais enfin, que veut-il? Vous! Pardon? Il me veut, moi? Ben dites donc, Jaumier, c'est Noël! Enfin, il veut vous voir. Enfin, pourquoi, grand Dieu? Il ne m'a pas fait la grâce de me le dire. Bon, très bien, j'y vais. Le cas est-il prévu dans le protocole, monsieur l'ambassadeur? Tout est prévu, jeune homme, vous allez très vite vous en apercevoir. J'aurais dû lui dire de te rapporter ton stylo. Mais c'est bon. Le stylo va servir, il ne s'agit que d'une péripétie. Rien n'est perdu, croyez-moi. Non, le colonel est un grand enfant facétieux. Il a même fait des niches à la reine d'Angleterre, alors c'est dire. Tu es pas la reine d'Angleterre, pépère. C'est dire, hein? C'est pourquoi il ne faut pas t'énerver. Je trouve en tout cas son attitude extrêmement désobligeante à l'égard de mademoiselle. C'est incompréhensible. C'est indigne, c'est... Oh, c'est un coup dur. Ah, mon Dieu, elle craque. Venez vous reposer dans votre chambre. Là, appuyez-vous sur moi. Je suis déshonorée. Oh, mais non, voyons. Nous essuyons tous des échecs dans notre profession. Assez-moi, tenez, la dernière fois que ça m'est arrivé, je m'en souviens très bien. Je vais vous raconter. « Il a tenu tête au monde entier pendant un an, et il ne vous résiste qu'un soir. Alors. Whisky, mon père? Non, non, merci. Mon père, puis-je vous demander de nous laisser seuls un instant? Je vais en profiter pour dire mes heures à la belle étoile. Alors? Alors? C'est Fashoda. C'est quoi, Fashoda? Ça veut dire quoi, ça, Fashoda? Ça, cela signifie que nous allons au désert. Nous allons, si nous y allons. Si nous y sommes pas encore. La tasse arrête en route, quoi. C'est ce que je suis en train de faire. Ah, parlez, mon Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Non, écoutez, monsieur Bex, considérons l'aventure comme terminée, nous essuyons un échec, voilà tout. Oui, voilà tout. Et mon or, mais c'est Brode? Mais c'est un détail. Ah, vous appelez ça un détail? Vous savez ce que ça représente, cour officiel et parallèle? Mais je ne voulais pas dire ça. Oui, je peux vous le dire, moi. Et dans toutes les monnaies du monde. Un détail de vous les faire récupérer, vous avez mal compris ma pensée. Je voudrais être aussi sûr que vous. Alors ça, évidemment, il y a un petit risque. Ah oui, qu'il a avalé mes émeraudes, peut-être? Oh, monsieur Bex, je n'ai pas le cœur à plaisanter. Mais attendez, comment j'ai toutes les raisons de folâtrer? Ni vous ni moi, nous sommes unis dans l'échec, comme nous l'avons été dans la lutte. À ceci près qu'un Bex ne connaît pas l'échec. Donc votre fauve s'ira. Il s'ira. D'abord, qu'est-ce qu'il chiffonne, hein? Vous tenez vraiment à le savoir? Vous voulez que je fasse subir des brodequins pour vous décider à parler, vous? Eh bien, voilà. Oh, mon Dieu, que c'est difficile. Non, voilà. Il a été très touché que vous mettiez aussi spontanément votre femme à sa discrétion, mais aussi invraisemblable que cela paraisse, Nora ne lui plaît pas. Vous savez qu'il n'est pas normal, votre Gugus. Nous avons commis une erreur psychologique. Nous aurions dû penser que partout où il va, on s'efforce de lui servir ce qui existe de mieux sur le marché. Les Madame Claude de tous les pays du monde sont sur les dents pour fournir au colonel la fine fleur de leur cheptel dès qu'ils posent un pied dans leur capitale. Et alors, toujours du caviar, ça lance. Eh bien, personne ne lui demande d'honorer Nora. On se fera une raison, hein. Vous ne voulez vraiment pas comprendre ou vous le faites exprès? Je nage. Alors, accrochez-vous bien car vous risquez de couler. Il souhaite une femme plus... Quoi? Plus mûre, plus réservée. Oui, en un mot, il trouve votre sœur très à son goût. Qui c'est ça, ma sœur? Ah, Régine! Vous l'avez dit. Bah, c'est ma femme. Ah oui, mais pour lui, c'est votre sœur. Vous foutez de moi, non? Vous voyez bien que c'est impossible. Mais impossible, c'est pire que ça. Mais c'est monstrueux. C'est hors de question, ça je vous dis tout de suite. Oh, c'est également mon avis. Il va me demander ça à moi. Ah, pardon, c'est à moi qu'il l'a demandé. Ah, belle délicatesse. Je sais bien qu'il aurait pu vous en parler directement. Qui peut le plus, peut le moins. Vous autorisiez la femme. Il pouvait demander la sœur. La lui refuser sera lui faire un affront. Sa vanité est himalayenne, je vous l'avais précisé, mon frère. N'en parlons plus. Ah oui, n'en parlons plus, voulez-vous? N'en parlons plus. N'en parlons plus. C'est vite dit, ça, hein? Je vais peut-être demander son avis à Régine. Oh. Ben, après tout, nous n'avons pas pouvoir de décision. Oh, vous outragez les pouvoirs de ma fonction malgré tout des limites imposées par la morale la plus élémentaire. Je me refuse à dire quoi que ce soit, madame Bess. Personne ne me le demande. Régine, tu veux venir un instant, je te prie. Je vais lui parler, moi. Enfin, comment, madame Bex? Monsieur l'ambassadeur, c'est une affaire entre sa conscience et elle. Ça ne nous regarde d'aucune façon. Veuillez nous laisser, je vous prie. Comme il vous plaira. Bien entendu, je n'ai pas besoin de vous demander la plus grande discrétion. Alors là, vous m'offensez véritablement. Assieds-toi, mon petit. Comme tu es solennel. Mon petit frère. Ça y est, c'est signé. J'en étais sûre, j'ai senti. Tu sais qu'il n'est pas encore trop tard dans la saison pour que nous donnions un grand dîner pour célébrer ça. Célébrer quoi? Ta rosette. Un dîner au flambeau, par petite table, sur la pelouse. Avec justement le fameux cuisseau de venaison à la talanguaise. que nous ferions servir par des piqueurs en livrée, avec le corps du débuché d'Amboise caché dans le parc, sonnant la dent-pierre et le salut à Saint-Hubert. Oh, oh, oh. Oh, c'est pas une bonne idée. C'est une très bonne idée. Malheureusement, elle est irréalisable. Quoi donc? Non, mais reste assis, je te l'ai demandé. Bien, voilà. Je t'écoute. Ma chérie, le colonel n'a pas signé. Mon pauvre Lulu. Mais tes barres d'or, tes émeraudes. Plein d'argent n'est pas mortel. Alors c'est raté. Presque. Ah, ah, ah, ah, tu as encore une chance. Petite, petite, petite. Oh, j'en aurais une si je ne t'aimais, te respectais comme je t'aime et te respecte. Oh, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Ah, tout, bah, tout, tout, tout. Tu tiens entre tes mains l'avenir du Tananga, les soeurs économiques de la France. Moi? Toi, toi, Madame Lucien Bex, l'épouse modèle, l'ange de douceur et d'abnégation. Ah bon? Qu'est-ce que je dois faire? Délicieuse grandeur, magnifique pureté que je ne souillerai pas par les paroles plaisantes. Tu ne sauras jamais. Alors, pourquoi m'as-tu fait venir? Ah, c'est pas moi? Ah, c'est moi? Ah non, c'est Jomier! Ce Méphistophélès du Quai d'Orsay m'a demandé de te parler! Alors, j'ai fait semblant d'accepter pour ne pas t'irriter, tu vois. L'instant était trop grave. Lucien, tu en as trop dit ou pas assez? J'ai le droit de savoir. Un jour, peut-être, je te raconterai cette histoire qui, alors, nous fera bien rire. J'aimerais rire tout de suite. Mais ça, ça m'étonnerait, tu vois. Je serais plutôt à pleurer. Enfin, parle, Lucien. Tu sais très bien que tu peux tout me dire et tout me demander. Répète ce que tu viens de dire, non? Que tu peux tout me demander. Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est la vérité. Tu veux pas faire allusion à cette promesse que tu m'avais faite après ton escapade avec le marquis de Bricard? Lucien, il y a 15 ans de cela et tu m'avais promis qu'on n'en parlerait jamais plus. J'ai tenu parole, ma chérie. Je crois que c'était toi qui faisais allusion en me disant tu peux me demander ce que tu veux, Lucien. Tu sais très bien qu'il s'est rien passé entre le marquis et moi. Je l'ai juré sur la tête de maman. Oui, sur la tête de maman. Je me rappelle, c'était l'année de sa mort. Mais je n'ai jamais mis ta parole en doute, mon chéri. Jamais. Alors, qu'est-ce que tu me demandes? Mais rien, ma petite chatte. Rien du tout, rien. Je te demande rien. Lucien, je ne sortirai pas d'ici avant que tu n'aies parlé. Préfères-tu que j'aille consulter Jomier? Ah non, attends, c'est bien qu'à pas. De ce pas. Tu sais quoi, tu sais, tu sais. Bah, figure-toi que cette vieille canaille est venu me trouver de la part du colonel pour te demander de... Si tu pour... Oui. Non, non, non, non, tu devineras pas. Mais je ne cherche pas. Tu sais qu'Honora lui a pas plu? Oh, mais il est difficile. N'est-ce pas, hein? Oh, bah, dis-donc. Pourtant, c'est un homme de goût. Tu vas en avoir la preuve. Ah, c'est tout. Tu vas rire. Figure-toi, c'est drôle. Il préfère les femmes à la fois plus mûres et plus réservées. C'est son droit. N'est-ce pas? Et alors? Rien, ça c'est tout. Eh bien, donnons-lui une femme mûre et réservée. C'est pas bête, ça. Pas bête du tout. Oh! J'ai compris. Oh, Lucien, il veut sudre. Et tu me demandes de la mettre en condition, c'est bien ça? Tu as une imagination, toi, je te jure. Ah tiens, j'y pensais plus à celle-là. Alors qui? Qui? Oh non, oh non, oh non. Lucien, dis-moi que c'est pas vrai, que je rêve. Hélas, ma chérie, le colonel te trouve irrésistible. Lucien, par pitié, ne me demande pas ça. Mais non, je te le demande pas. Oh, merci. Merci, tu m'as fait très peur. Moi, dans les bras de ce dictateur sanglant, de ce monstre. Oh, n'exagérons rien non plus. Enfin, écoute, tu l'as vu. Il n'y a rien de sanguinaire, cet homme-là. Moi, je lui ai trouvé beaucoup de charme. Oh! Ah ouais. Oh, tu sais pourtant quels actes abominables ce livre. Il jette ses ministres au crocodile, il décapite par plaisir. Ah là là, écoute, ragot de journaliste, tu crois tout ce qu'on raconte, hein? Moi, dans le lit de ce cannibale. Comment tu sais ça? Quoi? Pourquoi tu le traites de cannibale, hein? Parce qu'il en est certainement capable. Tout de même, j'aurais jamais cru tenir entre mes pauvres mains un destin d'une telle importance. Le destin de la France? Lucien, tu m'as fait rappeler ma promesse tout à l'heure. Ça n'est pas par hasard. Sarah-Jeanne, qu'est-ce qui te prend? Tu deviens folle, quoi? Non, mais ramène-toi, je t'en prie! Comment peux-tu supposer un seul instant que je serais capable de te proposer un tel sacrifice? Moi? Moi, ton mari? Tu devrais avoir honte de penser une chose pareille. Honte! Et pour quelle raison, je te demande? Pour quelle raison? Hein? Pour quels avantages? Voilà. Quoi, la France? La France? Évidemment. Il n'aura pas dans le monde une place prépondérante, quelle importance. Dis donc, elle s'est bien débrouillée sans moi jusqu'à présent, non? Sans blague. Bien sûr, il n'y aura pas de dispensaire Lucien Bex ou Tananga. Ça, les pauvres noirs resteront dans leur misère. Pas de ma faute, hein? Puis je ne me présenterai pas à la députation. Ah, oh zut, la gaffe. Ah, je voulais pas te le dire. Eh oui, bah oui. Vous avez une grande chance d'être député. Eh ben, tu ne seras jamais la femme d'un ministre. Quant à ma Rosette, elle s'est envolée, ma Rosette. Ah, petit ma Rosette. C'est-à-dire, pendant que j'y pense, pas le droit. N'en parle plus, hein? T'es fini. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Attention, Régine, attention! Attention, je te vois venir! Je la vois venir! Elle est capable de vouloir s'immoler, hein? Se sacrifier. Oh, hey! Le connais, ton côté Jeanne d'Arc, tu sais? Ton côté Marie-Madeleine? Sache que je ferai tout pour t'en empêcher, tu vois, tantôt! Et n'insiste pas! Ah, oh, si tu l'exigeais. Tu pensais qu'il s'agit là d'un devoir sacré, d'une sainte mission que le ciel t'a confiée? Là, peut-être. Essayerai de mieux. Je suis née de la fortière. Je n'ai qu'une parole. Régine, non. Où vas-tu? Régine, reste là. Régine, je te le défends! Lucien, la France attend! M'en fous! Je m'en fous! Du destin de la France, plutôt, je te dis que je m'en fous! Lucien! Va-t'en, mon petit, va-t'en! Va-t'en vite! J'ai honte. Et moi, d'où? Je saurais peut-être pas. Il s'occupera de tout. Je sais bien que je ne compte pas, moi je me sacrifie. Enfin, on sacrifie tous les deux. Mais pense un peu à moi, hein? Ça t'aidera. Le petit pavillon à gauche en sortant. Que monsieur me pardonne, j'ai entendu crier monsieur. Monsieur Désir. Oh, monsieur est tout pâle. Est-il malade? C'est un mauvais moment à passer, quoi, c'est tout. Hein. Ah, oui, certainement, monsieur. Il n'en mourra pas. Si monsieur le pense. C'est pour la France, c'est pour la France. Oh, mais, monsieur veut-il que j'appelle le docteur Flavier? Ah, je ne suis pas malade, je suis seulement dépassé. J'ai été trop loin. Oh non, Monsieur ne va jamais trop loin. Il m'a prouvé qu'il pouvait tout oser. Bonsoir, monsieur. Parlez-moi, ne me laissez pas seul en ce moment. Monsieur s'est beaucoup dépensé aujourd'hui. Oui. Rassurez-moi. Vous qui êtes pauvre, donc honnête, n'est pas vrai. N'est pas vrai que je suis le plus grand salaud de la terre. Je répondrai à monsieur que monsieur a toujours été à la pointe du progrès. Il a encore changé d'idée. Vous pouvez cueillir les fruits du sacrifice. Dites donc, nous sommes deux pour la cueillette à remplir le petit panier. Madame Bex est une excellente ambassadrice. La signer. N'a rien dit? Non, il n'a pas daigné. Il a pris Madame Bex d'une main et m'a tendu le Marocain de l'autre. Nous avons fini par la voir, ce babouin. Au prix de quelle péripétie? Celle qui se passe en ce moment ne vous chiffonne-t-elle pas un peu? Moi, je n'aimerais pas me trouver à votre place face à ma femme le soir à la veille et les nuits d'hiver sont longues. J'en ai rien à foutre de votre opinion. Si les bâtisseurs, les génies, les êtres d'exception s'étaient perdus dans les nuances et les subtilités, rien de grand n'aurait été accompli dans le monde. Il n'y a que le résultat qui compte. J'appelle lui. Nous avons sablé le champagne pour fêter l'événement. Excellente idée. Champagne exceptionnel pour événement exceptionnel. Oui, champagne. J'entends parler de champagne. Suis-je de la fête? Mais naturellement, voyons, vous n'êtes pas... Tiens. Vous êtes en civil, vous? Pourquoi? Devinez. Vous n'êtes pas père du désert? Le vieux dicton, l'habit ne fait pas le moine. J'ai bien failli entrer dans les ordres, mais la divine grâce a tourné court. Et si vous n'êtes pas père du désert, c'est que vous êtes des services spéciaux. Vous voyez que pour les devinettes, je crains personne, hein? En tout cas, mes compliments. Dis donc, il était plus vrai de nature, non? Pour qu'un bec se soit laissé. Quand même quelque chose qui m'échappe. Le colonel, notre dispensaire Otananga. Le colonel connaît parfaitement ma véritable identité. Je ne comprends plus. Un soupçon de patience. Puis-je allumer la télé? Elle est en panne. Elle ne l'est plus. Un fil de l'antenne avait été sectionné, quelque chose qui ressemblait à un sabotage. Mais nous avons réparé. Bah, il y a 11h30, il n'y a plus d'émission à cette heure-ci. Non, pas aujourd'hui. Regardez. Pas aujourd'hui. Et c'est sous les tonnerres d'applaudissements que se termine cette représentation de Faust, donnée, je vous le rappelle, en présence du président de la République et du colonel Sambo, président de la jeune nation tananguaise. Comme vous avez pu le constater, le colonel n'a pas ménagé ses applaudissements et son bonheur de plaisir à voir. C'était Albert Voisin en direct de l'Opéra. En direct. À vous les studios. Ah ouais, il était temps, une minute, près, nous le rations. Avouez que c'eût été dommage. Alors le noir qui est là... n'est pas le colonel Sambo. Un figurant, mon cher. Mais vous avez vu cette allure, cette dignité? Hein? Disons le mot, cette majesté. Et ce qui ne gâche rien? 5 ans barman sur le France. Oui, la désaffectation de cette belle unité nous a permis de récupérer ce parfait sosie du colonel. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre des services spéciaux. Et la lumière fut. Travailleur indépendant, mon cher, mais affilié à une cause sacrée, celle de plumer les pourris de ton espèce. Salaud! Bande de salauds, vous ne mourrez pas! Vous ne mourrez pas! Allez, Roger, ferme les grilles. Lâchez les chiens, vite, Roger! Lâchez notre queue! Il vous répond? Je crois que vous prenez une peine inutile. Nous ne sommes pas des amateurs. En chute libre, le roi des cartes, l'empereur des pigeons! On ne vous le fait pas dire! Dire qu'il y a 5 minutes, je planais encore dans l'euphorie! Alors, mais bon, vous voyez sans doute où vous allez finir la nuit? Mollement étendu dans nos lits douillets. En tôle, au trou, au nouf, crapule! Avec promesse de compagnie d'ici 1 heure à 2. Et maintenant, homme de Dieu, causons! Causons! D'abord, oui, ma femme. Oh, bonsoir, notre colonel, quelque part sur la côte normande. Oui, une petite précaution élémentaire pour le cas fort improbable où vous ne vous montreriez pas coopératif. Mais je ne m'inquiète pas, dès que nous nous serons quittés, bons amis, elle vous reviendra. Prise d'otage! Vous n'êtes pas du menu fratin? Bon, j'annonce ta couleur. Je n'ai qu'à déclencher le signal d'alarme et la fine fleur de la gendarmerie paraîtra dans le quart d'heure pour vous remettre à la crème de la police. Une vérité d'évangile, mon fils. Déclenchez. Je vais être bon prince. Une fine, un Havane. Vous rappelez votre petit copain avec tout ce qu'il a emporté par les tours de rime, mon or, mes bijoux, mes émeraudes, mon spino, soyons mesquins, sans oublier ma femme, bien entendu. On se serre la main, ciao, ciao, bye, bye. Sayonara. Quelque chose comme une paix blanche. Voilà. Une paix dans l'homme. Et la dignité. Du point tigre. Oh. Et puis si vous n'êtes pas parti avec lui, c'est que vous avez une petite idée derrière la tête. Une grande idée. Je pige le filigrane, fripouille. Après les joies de l'escroquerie, les douceurs du chantage. Un bec ne va pas s'offrir la tempête de rigolade qu'il déchaînerait en déposant la plainte du siècle. Les journalistes nous feraient élever une statue. On aurait une page entière dans le dictionnaire des farces et attrapes. Le grand méchant loup qui se fait mettre par un carré de coccinelle. Trop heureux de se reculoter en silence et de payer l'amende. C'est ça votre combine, amigos? Vous brûlez, compañero. Sauf que c'est du pipi, votre combine. Du pipi? Car vous ignorez ce que j'ai oublié de vous préciser. Je fixais sur bande magnétique la totalité de nos entretiens, mot pour mot, depuis la minute où vous êtes rentré ici, jusqu'à celle où les flics vont venir vous cueillir. Regardez, ils tournent encore les rubans jolis. Hein? Qu'en pensez-vous? Quelques gommages par-ci, par-là. Quelques repiquages artistiques sur bande vierge étaient les prix qu'il croyait prendre. Content comme ça? Camarade? Vous nous navrez positivement. Je vous enverrai ma photo à Fred avec une dédicace. Une punaise pour l'accrocher. Et elle vous reviendra avec la mention destinataire inconnu à cette adresse. Êtes-vous traversé dans les progrès de l'électromagnétique, cher ami? Notre matériel, pour être moins clinquant que le vôtre, on n'en est pas moins aussi efficace. Nous avons, nous aussi, un joli flot de rubans. Si pas vrai. Oh, sur la madone, mon fils. Tenez. Regardez. Micro. Haute fidélité. Et quand nos bandes, qui n'auront pas, elles, les coupures que vous souhaitez, feront leur petit chemin dans quelques rédactions à gros tirage, il y aura de la joie. Fumier, je vous aurai. Mais vous nous avez, mon bon. Allez, les bandes. Où sont les bandes? Attention, je plaisante pas, à trois, je tire. Un. Deux. Trois. Vous n'espériez tout de même pas qu'après 2 années de préparation minutieuse, nous aurions pu commettre une pareille faute? Nos pseudo-agents motocyclistes ne sont pas seulement là pour le décorum. De vrais professionnels. Ce petit mouvement d'humeur est bien excusable, oublions-le. Vous recevrez quand même votre exemplaire numéroté. Demain, oh, vous entendrez d'adorables séquences. Le mitonnage en douce du contrôle de main-d'œuvre pour l'exploitation des 10 000 pauvres nègres. La mise en place du petit, disons, tête-à-tête destiné à convaincre votre épouse de se ruer au sacrifice. De quoi amuser entre autres votre fils. Si nous devions, à Dieu ne plaise, en arriver là. Vous ne ferez pas ça. Il a dit à Dieu ne plaise, gros bêta. Tout ça, c'est encore du conditionnel. Au conditionnel aussi, la diffusion des grandes séquences, des vraies séquences de choc. La gape, le festin, le cuisseau de venaison à la Tanangue. Alors, pour ce bobard, il faudra repasser. Si vous n'êtes pas diplomate du quai, si Toura n'est pas père blanc, le gibier n'est pas non plus de la dent du Maine. Monsieur Bex, il est relativement facile, moyennant un honnête bakchiche, de se procurer une fesse humaine dans n'importe quel amphithéâtre de dissection de l'école de médecine. Mais nous n'aurons aucun mal à vous prouver qu'il n'y a pas eu tromperie sur la marchandise. Vous n'avez qu'à le faire analyser. Votre paouin et la femme fatale en ont bouffé. Mon paouin, comme vous dites, va sur ses 45 ans. Il est né à l'âge d'or où, loin des blancs, dans le mystère de la jungle, on ne sevrait pas les futurs guerriers avec du poulet. Et vous n'avez pas remarqué que notre chère Nora et moi-même n'avons pas touché à ce braisé de missionnaires grands veneurs. Allez, comme moi. Eh oui. Oh, pourquoi? Mais pourquoi cette horreur? Parce qu'il était nécessaire que cela fût vraiment de la viande humaine, afin que vous passiez votre vie durant à la digérer. Nous voulions savoir jusqu'où vous pouviez descendre. En acceptant, vous nous avez administré la preuve que nous avions raison. Vous êtes vraiment le Rupin le plus néfaste et le plus méprisable. Cannibale, prévaricateur, proxénète de sa propre femme, tout pour plaire. Ah, j'allais oublier de vous préciser que nos bandes risquaient de s'ennuyer toutes seules. Nous leur donnerons pour compagnie quelques photos, prises en ce moment même des ébats colorés et extra-conjugaux de Madame Beck. Qui vous casse la gueule ! Un seul geste et votre fils risque l'infarctus. Sans compter que ces messieurs sont d'excellents troisième dames de karaté. C'est pourquoi comparer au matériel en notre possession, les babioles que nous avons récupérées ne peuvent constituer qu'un avaloir. Que voulez-vous de plus ? M'avez tout pris ! La clé. La clé et le petit numéro du coffre en Suisse. Je suis complètement ruiné. Momentanément. Car vous devez continuer, Monsieur Beck, afin de nous apporter votre contribution trimestrielle. L'or, les bijoux, c'était pour s'amuser. Et si je préférais finir clochard au lieu de vache à lait, qui serait bien attrapé? Vous qui seriez puni. Ce qui est, ne l'oublions pas, l'essentiel de notre mission. Oui, l'argent n'est qu'un petit dédommagement pour le dérangement, une sorte de défraiement. Et la mafia, vous connaissez la mafia, hein? Et comme on entend les Pelucci, les deux mes amis, il saura bien vous retrouver un jour ou l'autre, où que vous soyez, moyennant large rétribution, ça va sans dire. Vous ne le craignez pas, ça? Un dossier complet de cette affaire sera déposé dans un coffre discret, avec ordre de ne l'ouvrir que sur la vue de nos actes de décès. Alors, souhaitez-nous longue vie. Nous vous téléphonerons demain. Nous avons décroché dans la galerie les quelques toiles qui en étaient dignes. Vous aurez la bonté de nous en faire donation. Nous avions oublié l'essentiel. Oh, pour l'amour de l'art, si vous le voulez bien. Attendez. Comment puis-je être assuré de votre silence? Oh, irions-nous tuer la poule aux œufs d'or? Oh. Le champagne, monsieur. Le champagne. Ces messieurs ne doivent pas être loin. Je le sers ici. Non? Alors, où, monsieur? M'en fous. Où vous voudrez. À la piscine. Au cabinet. Non, mais j'aimerais que monsieur précise. Oh, foutez-moi la paix, mon vieux. Allez vous coucher. Oh, je ne prendrai pas en mauvaise part que monsieur envisage de se priver de mes services. Hors de question. Ils me sont inestimables. Vous me rappelez délicieusement que je ne suis pas à ma place dans ce château. En y étant vous à la vôtre. Vous êtes le sachet de l'avant dans l'armoire à l'un. Ah, merci, monsieur. Et à quelle heure dois-je réveiller, monsieur? Okay. Un stock de cauchemars à liquider. Oh, les sandwichs qui auront été oubliés. Dois-je les replacer au réfrigérateur, monsieur? Attendez. Posez votre plateau là. Allez frapper à la porte du sud. Dès que tu descends immédiatement, là. L'idée du siècle vient de se poser là, dans ma couveuse. Elle va fumer demain, ma couveuse. Allez. Sudre ici tout de suite, vite! Adada sur la rampe, sudre! Oui, oui, oui, monsieur, j'y vais tout de suite. On croit que les riches ont soif d'argent, c'est faux. Ils le boivent sans soif. Croire que Bex a soif d'argent, c'est comme croire que le comte de Parc a soif de noblesse. Un Bex n'a pas d'argent, il est l'argent. Celui des autres vient s'y jeter comme fleuve à la mer. T'as été eu, hein? T'as été roulé dans la farine, aplati, possédé, écartelé, c'est vrai. Mais ils ont oublié qu'on ne te fait jamais toucher les deux épaules. J'avais vaincu, Bex. Bex le plus fort. Bex le plus grand. Avanti, Bex. Arriva. Et le souffle, la baleine. Et le souffle. Même s'il a un peu de migraine sur la nuque et sur les yeux. Fatal, quand le moteur tourne à tout berzinc. Avancez l'allumage. Contact, décollage, roue rentrée avant le bout de la piste et youpi! On n'entube pas un Bex. Le coup de pied au cul ferait boomerang. On se changerait en flouze. La connais ta devise, Bex? Tu la connais? Tout hasard sera chance, toute chance sera gain. C'est parti, mon kiki! C'est parti! Oh, c'est bon ça! Oh, c'est bon! Oh, ça s'appelle fraîcheur d'oseille! Hein? La voilà la plus belle! La voilà! Bonjour, Sudre! Bonjour, le petit Sudre doux! En forme, j'espère? Oh, il le faut bien, monsieur Bex! Si, si, tu m'as redémarré! Si, si, on va bosser toute la nuit, hein? Attention d'abord! Petite surprise! Ah. Hey. Sandwich. Les bons sandwichs qu'ils ont oubliés. Prenez des forces. Oh, oh merci, monsieur. Mmh. Et mon monsieur? Non, non, non, le cerveau gonflé à bloc. Le masque. Oh, il voudrait peut-être ne pas travailler ce soir, monsieur Bex. Oh si, oh si, il veut. Il est là, le bébé. Il cogne, il veut sortir. Allez-y, rondement, ma grande. Je suis capable de les finir, vous savez. Bravo. Allez, arrosez-les, là. Ah, ça les améliore, hein? Ah, oh non, non, non, c'est plutôt le champagne qui gagne. Alors, comme un petit, Non, non, non, mais faut que je... Laisse ça, madame Bex, elle me le pardonnerait pas. Croyez? Non, ça, elle n'aimait pas les voir s'en aller, hein? Vrai? Bien vrai? Oh, ça, je vous le jure. C'est surtout ce petit goût de noisette. Un dièse plus âpre, plus soutenu. Vous me ravissez, Sudre, vous me ravissez. Ils vous ont dit avant de partir ce que c'était? Oui, ils me l'ont dit. Quatre, je vous donne en trois. De l'ours. Non. De l'autruche. Non, non, non. Mammifère, Sud, mammifère. Oh, oh, vous n'allez pas bien faire du dromadaire. Oh, quoi? C'est tout simplement de l'homme, ma louloute. De l'homme. H-O-M-M-M-M-E. Du vulgaire au moins sapien. Ah, monsieur Bex! Même pour rire! Rire! Quand je soulève pour vous le rideau de la nuit. Mais monsieur! D'accord, silence! À l'heure où s'illuminent les cavernes de l'âge de pierre! J'aimerais sortir, monsieur! Assieds-le! Chut, chut, chut! Ça va passer, ma grande, ça va passer, ça passe, ça passe! Ça va mieux? Un peu. Ça va? Oui. Le condamné, mendiant l'ultime cigarette, a sans doute vomi à son premier paquet. Et Louis XVI, quand Parmentier lui a appris qu'il venait de se taper la pitance à cochon, il a dû devenir vergazo. C'est pas de ça qu'il est mort, non? Et d'abord, comment savez-vous que vous n'en avez jamais bouffé de l'homme? Oh, ben, je... C'est quoi? Ah ben, au restaurant, par exemple. Au restaurant, quand le chef se coupe le doigt et le secoue madère. Et le bon cornet beef de Chicago, quand quelque maladroit pique une tête dans les broyeurs. C'est plutôt glissant à la bordée à choix. Format gazomètre. Dame Sudre, pouvez-vous jurer devant Dieu, devant les hommes, que vous ne l'avez jamais mangé? On en a mangé, monsieur le procureur. Et c'était bon. Voilà la réponse du témoin, monsieur le procureur. À vous de juger, messieurs les jurés. Si avoir un steak de son prochain dans l'estomac est plus répréhensible que d'avoir un cœur de son prochain dans la poitrine, ou un rognon de son prochain sous la ceinture. Monsieur, c'est monstrueux! Ce sont les privilèges du progrès. Oh. Écrivez, sud, écrivez! Une lettre au chef de l'État. Monsieur le Président de la République, la science nous le crie. Avant 100 ans, il n'y aura plus sur Terre de quoi nourrir l'espèce humaine. L'océan se dépeuple, les moissons périclitent, le cheptel s'amenuise, mais l'homme est omnivore. Sa chair donc intensément plus riche en protéines. Ces joyaux de la nutrition, soulignez les joyaux de la nutrition. L'être humain, monsieur le président, à poids égal, est le plus charnu de tous les mammifères. Et par voie de conséquence, comestible. Comestible. Car le cochon a ses jambons, le mouton a ses gigots, comme l'homme a ses cuisses. Mais de surcroît, l'homme, qu'est-ce qu'il a, l'homme? Je sais pas. Ses fesses. Ah. Oh, j'écris ça. Vous voyez un autre mot? Oh non. Eh ben alors. Calculons le rendement moyen. Surgelé, 30%. Abat cuisinable, 20%. Gardez les sujets de 8 à 18 ans, surchoix hors catégorie pour l'exportation. Et les bas morceaux pour les pays sous-développés. Conclure à 8000 tonnes de viande fraîche par année. Statistique établie par ton de paix, mais en temps de guerre. Sud, en temps de guerre. On plante les brutes bagarres. Alors, monsieur le président, Bex, Paris, les guerres, révolution, circulation, opération deviennent nourricières. La famine abolie à jamais. À jamais. J'ai raison, insecte. Toujours, monsieur Bex. Debout, monsieur, debout. Debout. Il y a des choses qui ne s'écrivent pas le cul dans un fauteuil. Vous ne sentez pas ça? Oh, si, monsieur. Soumission de projet. Des affichettes aux couleurs éclatantes. Thème, maman joyeuse préparant tartinette à bambins épanouis. Une légende sur la tête du cher petit avec ces trois mots. Maman, miam, miam. Comptez, chanteur, chanteuse, pour disque à passer dans les prises uniques et le supermarché. Thème, folklorique. J'ai du Bex Madère dans mon frigidaire. J'ai du Bex gourmet, vous mangerez français. De quoi faire reluire un hexagone de ménagère, gonfler les poussettes à ras-bord. Prévoir un mégaphone dans toutes les rames du métro annonçant la prochaine. Ici Pigalle, Bex régale. Place des fêtes, Bex brillette. Mercadet, Bex dom. Oh, tu pues. Ça crépite là-dedans, ça crépite. Des bulles. Nom de Dieu, le pape. Il me faut une bulle du pape. Écrivez, chudre, pour y débattre, mais obtenir sa bénédiction pour assurer les curés. À Pâques et la Trinité, distribution gratuite dans tous les séminaires. Voilà. C'est génial. Oh, génial. Dieu est avec Bex. Je suis celui qui est Dieu et Bex, les deux doigts de la même main. L'heure a sonné, monsieur le président. Les droits de l'État ont absorbé les droits de l'homme. Je suggère, décret, article 1, l'État disposera de tous les restes mortels des Français décédés sans distinction d'âge ni de sexe. Article 2, la chose de l'État. Mesdames, Messieurs, la pièce que nous avons eu l'honneur de jouer devant vous est de Jacques Deval. Les décors de Roger Hart. Les costumes de Donald Caldwell. Avec Bruno Netter, Noël Musard. René Clermont. Cyrielle Bénard. Robert Lebéal. Alain Mottet. Jacqueline Géaneuf. Dans une mise en scène de Jean Le Poulain.